sont allumés. Hey, salut, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 51. Ouais. On est content. Nous écoutions en guise de générique début un petit morceau intitulé The War Begins, la guerre commence, de Robert Duncan, extrait donc de l'épisode qu'on va commenter aujourd'hui. Alors, épisode très important, épisode qui nous tient à cœur, hein, oui. Parce que... D'accord. Oui, oui. Épisode spécial misogynie. Ça nous tient à cœur, du coup, de... c'est ça. Ben, c'est ma grande passion. Le spécial misogynie. La misogynie, ouais. À rabaisser les et femmes. Et le patriarcat. C'est ça, j'adore ça. Je suis bien évidemment accompagné de mes masculinistes préférés, Riley et Clément. Comment ça va, hey. Les incels? Salut les mecs. Salut, salut tout le monde. Allez, prêt, salut, salut. Prêt à objectifier des femmes, à les rabaisser. Non, on n'était pas au courant. À moins les payer, tout ça. Oh bah évidemment, c'est normal. On avait pas parlé qu'on faisait ça au début. Ok, bon okay. D'accord, très bien. Allez, fin de la blague. Bah oui, parce que sinon... Enfin si, on en rajoute une petite couche. Allez. Parce que oui, il n'y a pas d'invité. Oui. Pour parler ce soir de l'infériorisation des femmes, ce que nous en sommes nous-mêmes des experts, parmi les meilleurs de France, hein, selon le dernier classement de Bigard Magazine. Allez. Ah oui, bonne vanne ça. Oh là, ah oui, aussi, ouais. Sortman. C'est terminé pour les vannes. Ok, il y a le chat qui est là. On dit bonjour au chat. On dit bonjour au chat. On dit pas le sommaire avant. Non, on dit bonjour non, au on chat. On dit d'abord bonjour au chat, bonjour. Ils sont là, ils nous attendent. Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Bah ouais, le chat est là. Bonjour, bonjour tout le monde. De quoi on va parler, Riley? Dis-nous tout. Donc oui, nous allons donc faire des gros bisous pour commencer, comme d'habitude, on a encore plein de gros bisous à faire. Ensuite, ce sera la rubrique actu de Big M, le quatrième mousquetaire qui nous réserve encore des surprises, hein, même jusqu'à la dernière minute. Mais oui, nous envoie de jusqu'au actus. Dernier moment, on a eu des news. Ensuite, donc, on commentera l'épisode de Dirty Girl, l'épisode 18 de la saison 7. C'est pour ça que c'est, tu parlais de misogynie, hein. C'est le thème principal de l'épisode. Oui, hein, c'est en partie lié. Ouais. Donc on parlera de ça, on parlera donc du regard archaïque de l'homme sur la femme, de la guerre et de l'imagerie militaire, on parlera de vin, hein, bien sûr, parce que c'est bon. Ah bah oui. De mise en scène, du personnage de Faith, dont on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast finalement. Mais qu'on adore. Pas assez, pas assez. C'est donc un épisode très très riche. Hein. D'ailleurs, le conducteur fait plus de 200 pages. C'est du jamais vu. Sartman a gratté comme un ouf. Il sera édité donc, prochainement en voilà. Folio. dans Bigard Magazine peut-être. Ah, hors série. Voilà. Ensuite, après la petite conclusion, ce sera un nouvel épisode de notre série audio, Reaper, ah, oui. Sur la jeunesse de Tonton Jack. C'est le meilleur épisode jusqu'ici. C'est le meilleur épisode. Et enfin, les 6 thèmes Buffy, tu vas aimer ça, de notre rubrique coup de cœur. On a hâte de parler de tout ça. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct ensemble pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur! Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Ça existe aussi en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Pour vous rappeler, tous les liens sont disponibles sur notre blog pourquoibuffycestgénial.wordpress.com, tout attaché. Et vous pouvez même nous retrouver en passant par nos sites partenaires Bonus Tracks Podcasts. Je dis le S de podcasts parce que je suis un américain. Et groupe13.fr. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well. And if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. See her again, raise your yeah. She bathes you. Nothing can defeat the penis. Donc les gros bisous. Oui, alors moi j'ai un gros bisou pour Gulliver l'aventurière qui fait des illustrations, notamment des trucs sur Buffy. Faut aller voir ça, c'est sur Instagram. Hein. Cool, d'accord. Apparemment, alors vous savez que Instagram, j'ai beaucoup de mal, mais voilà, notre spécialiste Instagram nous a conseillé Big M. D'aller voir ça. Big M qui d'ailleurs, Marine nous précise, Bigger Magazine, c'est Big M en fait. Il fallait pas le dire, c'était un secret. Ouais, tant pis pour lui. Big, mais ça, Big M, Big Magazine. C'est vrai qu'il s'est pas foulé quand même. quand même. Non, c'était un peu, ouais, c'était facile de trouver. C'était une blague. Riley, vous aviez des gros bisous peut-être. Oui, j'ai des gros bisous à faire aux fantastiques auditeurs et auditrices qui nous ont mis 5 étoiles sur iTunes. Ah, ça c'est une très bonne idée. Cool. Ça c'est très gentil. Avec des commentaires super gentils. Donc on fait des merci et gros bisous à Jus de Citron, Juju Petit Chat du 64 et Aurélie. Et n'hésitez pas à mettre des notes. Il n'y a pas que iTunes d'ailleurs, il y a aussi Podcast Addict, tous les sites de podcast, il faut nous noter et mettre des commentaires. Tout à fait. Tu l'as fait toi, Clément ? Moi je l'ai fait. Après, j'ai fait ma. Voilà, mais avec les différents pseudos qu'on t'a dit. Ah oui, dont les Russes là. Oui, les... oui, d'accord, je vais m'en occuper dès demain. Je voulais aussi faire un gros bisou au podcast Est-ce que tu buzzes ? Hein ? Pardon ? Ouais. Est-ce que tu buzzes ? Ah oui, seulement le week-end. Ok. Et qui se lance dans une série de podcasts sur Buffy. Ils font un podcast par saison. Sympa. Et voilà. J'ai écouté celui sur la première saison, c'était très sympa. Et ils nous font même des gros bisous. Donc, gros bisous en retour. Gros bisous, les gars. Et aussi, tout le monde est vacciné ici, on a le droit de faire des gros bisous, on est d'accord. Oui, non, mais nous, on met pas en danger les gens. On est en distanciel, un gros bisou distanciel. D'accord. Et alors, ça, je vous l'ai pas dit, les gars, mais figurez-vous, les auditeurs savent pas non plus, mais j'ai un chat maintenant. le gars en parle toutes les 3 minutes de son chat. Et alors, mon chat. C'est un podcast, c'est formidable. Mon chat, il s'appelle Spike. Ah oui, c'est vrai. Non, ok, c'est son surnom pour les internets. Quand il se mettra au podcast, il se fera appeler Spike. Mais là, je vous dis pas son nom. Un peu de vie privée. D'accord. Donc, j'espère qu'il écoute à la maison. Je lui ai laissé son YouTube ouvert, donc il est censé m'écouter. J'espère qu'il va commenter et faire vivre le chat. Espérons. Donc, tu fais un gros bisou à ton chat, c'est ça l'idée. Oui. Ok. J'ai le droit, tu ne seras pas coupé au montage. Je sais pas, on verra. Ok. Ah, ça faisait longtemps. Donc Clément, fait des gros bisous. Non, moi j'en ai pas. J'ai pas de gros bisous. Ça fait un moment que j'ai pas de gros bisous, mais j'en aurai bientôt. Même pour le chat de Riley avec qui t'as passé le week-end, j'entendais dire. C'est vrai qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a un rapprochement. Bah en fait, j'ai pas envie d'en parler là. Non, mais cela ne nous regarde pas. Tout de suite, la rubrique actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, right here. Over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. Miles, that's the prophecy. 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? Did you not hear about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Alors oui, une rubrique actu, comme tu le soulignais, mon petit Riley, concoctée comme chaque numéro par le grand Big Game, le reporter sans frontières des internets, qui a rassemblé donc toute l'actu du Buffyverse et de ses interprètes depuis la dernière édition, depuis le dernier podcast, et donc même une nouvelle très très fraîche qui nous est venue hier, je crois, des Amériques. Une malheureuse nouvelle. Oui, hélas. Comme d'hab. Voilà. Bah, on en parle après. Un truc qui devient un peu récurrent. C'est parti pour la rubrique de l'actu. Hey, bonjour! Ceci est la rubrique Actu présentée par moi, Big M. Comme souvent, je vais commencer par vous récapituler l'actu concernant les comédiens de la série. Après Julie Benz et James Masters, Michael Rosenbaum continue à recevoir certains de nos chouchous dans son podcast Inside of You avec Seth Green et Charisma Carpenter. Et nous pourrons d'ailleurs bientôt apercevoir Carpenter dans un film intitulé The Godfather. Julie Benz, quant à elle, est à l'affiche d'une production Netflix depuis le 13 juin. Il s'agit du film Secrets of a Gold Digger. Toujours sur Netflix, la première partie, composée de 5 épisodes de la nouvelle série d'animation de Kevin Smith, Les Maîtres de l'Univers, Révélation, est maintenant disponible sur la dite plateforme depuis ce mois de juillet. Et c'est Sarah Michelle Gellar qui prête sa voix au personnage principal. Et bien entendu, je vais vous parler d'Alison Hannigan, qui anime maintenant une émission diffusée de manière hebdomadaire. Ça s'appelle Adorableness, et on y présente diverses vidéos qui ont un point commun, elles sont pleines de mignonneries. Nicholas Brendon s'est encore fait arrêter par la police. Les faits qui se sont produits dans l'Indiana semblent très confus, puisqu'on parle d'usurpation d'identité, de conduite très instable en voiture, de dialogue insensé, de trafic de stupéfiants. Mais c'est finalement bien pour obtention frauduleuse d'ordonnance afin d'acquérir certains médicaments que la police l'a arrêté. Nous allons avoir du nouveau du côté des œuvres littéraires. À partir de janvier 2022, Disney Hyperion publiera une trilogie de romans servant de suite soi-disant officielle à la série sous le titre de In Every Generation et serait centrée sur un nouveau personnage mi-tueuse, mi-sorcière et qui se trouverait être la fille de Willow. Ceci n'est pas à confondre avec le livre Into Every Generation par Evan Ross Katz et qui doit être publié en mars 2022. Ce sera un mélange de mémoires de l'auteur et de références culturelles et historiques autour du monde de Buffy. Je conclus comme d'habitude avec une news convention. Big Bad Convention vient tout récemment de révéler qu'ils mettront en place un tout nouvel extra sous forme de jeu. On n'en sait pas grand chose pour le moment, mis à part le fait que des équipes seront constituées afin de s'affronter dans un jeu de rôle et d'énigmes, et chaque équipe sera accompagnée d'un guest de l'événement. Pour rappel, les dates prévues pour la Back to Sunnydale à Paris sont actuellement les 5 et 6 mars 2022. Et voilà, merci et à très bientôt. Eh ben merci beaucoup Bigem pour cette actu richissime. Donc oui, pas d'infos sur David Boreanaz. Bah non, il a. Qu'est-ce qui se devient depuis la dernière fois? Il est plus trop sur les internets, je trouve, sur Twitter et tweet beaucoup moins que. Un petit peu, oui, des réseaux sociaux. Il s'est coupé, comme tu dis. Bizarre, ouais. Oui, alors, bah oui, Nick Brandon, bah oui, ça nous fait un peu sourire, mais c'est pas rigolo. C'est... Le gars va pas bien. On s'en était rendu compte quand on l'avait croisé, voilà, à la dernière convention, ceux qui étaient là avaient pu voir qu'il était vraiment pas au top, ce garçon. Et il continue à faire n'importe quoi. Et moi j'ai trouvé que l'info sur les livres, le livre qui vont être édités, qui tout vont parler de la suite de Buffy avec la fille de Willow, ça va être fou. C'est vraiment canon du coup. Ça on ne sait pas, mais moi ça m'a, en tant que fan, oui, ça m'intrigue. Ça va être, on ne sait pas si ça va être bien, voilà, mais en tant que fan, je suis assez content. Et le jeu de rôle, l'histoire du jeu de rôle aussi était très intéressant. Tout à fait. Parce que donc on est d'accord qu'il y a aucune info sur David Boreanaz. On a vérifié, Big Game a enquêté longuement, il a cherché sur tous les sites obscurs pour retrouver des nouvelles vidéos de David Boreanaz, et non, pas de news. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai rien pu vous amener à ce moment-là. Ah c'est toi qui ce niveau-là, non. L'horreur. Alors, à contre-cœur, nous passons à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Oui, donc oui, pardon, on rigole bêtement pendant les jingles en racontant des bêtises. Alors, l'épisode du jour, Dirty Girls, l'armée des ombres en VF, épisode 18 de la saison 7. Il a été diffusé pour la première fois le 15 avril 2003, épisode écrit par Drew Goddard et réalisé par Michael Gershman. Des infos peut-être, Riley, sur ces deux personnes qu'on commence à connaître, hein, qu'on a déjà évoquées dans le podcast, mais ça fait pas de mal d'avoir des petits rappels. Oui, pour rappel, Drew Goddard, c'est un scénariste qui arrive en saison 7 de Buffy et qui continuera après à écrire sur la saison 5 de Angel et dans les comics aussi, Buffy. Et il a notamment écrit en saison 7 Conversation with Dead People, qu'on a déjà commenté. C'était le numéro combien du podcast, Clément, tu te rappelles? C'était le 26. Pas du tout, c'était le 14. t'es pas loin. Et il a travaillé sur plein de films après, il a une belle carrière. Et notamment, il a aussi travaillé sur Lost, hein, évidemment, précisons-le. Et il a écrit The Cabin in the Wood avec Joss Whedon aussi. Un bon film. Ah oui, bah évidemment. Très bon film. Donc un très bon scénariste. Et Michael Gershman, c'est un ancien Buffy. Lui, il a réalisé notamment Passion, Older and Far Away, Him, qui sont des épisodes qu'on a déjà commentés. C'est un réalisateur expérimenté et on va le voir une fois de plus. Il est très bon. Est-ce que vous avez fait un petit pitch, Riley, en plus de tout ça? J'ai préparé un pitch. J'ai fait une horreur. Incroyable. Oui. Alors. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs. Nous sommes réunis ici pour commenter un épisode de Buffy contre les vampires, cette série du démon. Mon bien-aimé Sarkman a été le premier à pénétrer et à comprendre la signification des portes dans l'esprit tordu de Joss Whedon. Mon très cher frère Clément a été le premier à pénétrer. Tout court. Oh, auditeurs et auditrices, venez écouter cette histoire simple que nous allons vous conter. Celle d'un faux prophète habillé en prêtre qui est apparu pour supprimer tout le potentiel qui se trouve en chacun d'entre nous. Un être infect, misogyne et terrifiant. C'est moche, hein, n'est-ce pas? C'est Seigneur Joss ne nous avait pas habitué à ça. Quoique. C'est cette parole qui faisait dire à Saint Vigième de Carlin que toute jubilation du magnifique annonciateur de l'ostentation est animée d'étulant de miséricorde, ce que l'allégresse du Saint-Sépulcre est justement de béatitude. Ou plus clairement pour tout le monde, si à glace par pouce, t'es coupé, mais fini, tu planes avec merditure. Amen. Voilà, après ce court sermon qui nous a sûrement bien résumé l'épisode, un bon pitch. Ouais, c'est tout compris, j'imagine. C'est ton meilleur pitch. Je vais maintenant poser les têtes pour la paroisse. Je sais pas s'il y avait référence aux inconnus dans le bingo de ce soir, mais il y en a eu 14 hein, déjà. C'est... J'espère que oui. Vous pouvez cocher la case. D'ailleurs, super bingo, il faut absolument. Ah oui, parlons du bingo. Kairis, il nous a fait encore un bingo incroyable que vous pouvez retrouver sur Twitter et même sur notre Discord. Comme ça, vous pouvez jouer en nous écoutant. Et c'est intéressant, excellent. Voilà. Nous, enfin, moi, je me suis refusé de le voir avant la fin de l'épisode. Bah oui, ça nous influence. On l'a pas regardé encore. On est impartiaux. Mais il a déjà vu plusieurs fois les inconnus, donc peut-être qu'il en remet. Ben ça aurait été la bonne pioche. Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de lancer cet épisode? Je sais que le chat a très hâte qu'on lance l'épisode. Oui, on repousse exprès. Hein. Peut-être 2-3 bricoles à noter juste quand même. Juste que cet épisode est très bien. Voilà, c'est tout que je veux dire. Oui, moi je voulais juste rappeler rapidement la saison 7, parce que après on le dit dans le podcast, mais saison feuilletonnante, saison extrêmement feuilletonnante. Contrairement aux premières saisons de Buffy, et juste rappeler que dans cette histoire, la Force, The First en VO, élimine les tueuses potentielles à travers le monde, et Buffy et Scooby-Dang se réunissent pour les entraîner et lutter tous ensemble contre la Force. Ça, c'est l'histoire globale de la saison. Et on arrive sur la fin quand même, c'est important. Mais oui! Parce que là, il résume pas trop les enjeux. D'ailleurs, le preview aussi, bon, on en parle après peut-être. On en parle après. Lançons l'épisode, on pourra parler. Moi je voulais évoquer rapido Bad Girls, parce que c'est vrai qu'il y a un épisode en saison 3 qui s'appelle Bad Girls, donc ça ressemble, le titre ressemble un petit peu. Et dire que oui, il y a 2-3 mini ressemblances, comme l'arrivée en ville d'une figure d'autorité masculine, hein, c'est Wesley dans la saison 3 et Caleb ici. Et puis cette situation un peu oppressive sur les tueuses qui va les faire des erreurs à la fin de l'épisode. Pareil dans Bad Girls, il y a ça aussi dans Dirty Girls, voilà. Mais ça s'arrête là, hein. C'est deux épisodes quand même assez différents qui parlent pas exactement de la même chose. C'est juste le titre qui... Voilà, qui nous tétille, hein, qui nous rappelle des bons souvenirs. Et si, notez quelque chose d'assez important, c'est qu'il existe déjà des commentaires audio de cet épisode que vous pouvez retrouver sur vos vieux DVD. Hein. Vous savez, les DVD, qu'on arrive à lire nulle part. Hein. Moi, je sais pas comment on fait pour lire des DVD, c'est infernal. Il faut aller chez Big Game pour lire des DVD. Moi, ça marche plus chez moi. C'est insupportable. C'est vrai que c'était bien. Je vais aller chez Big Game à chaque fois. Donc il y a des commentaires audio qui ont été faits par Drew Goddard, donc le scénariste, on l'a dit, et il est accompagné du fameux Nick Brandon, hein, qui était déjà très en forme à l'époque. D'accord. Donc, et ça se ressent dans les... Oui, alors il y a un truc de très très intéressant. Donc, on va expliquer pendant tout l'épisode en quoi cet épisode dénonce le male gaze, hein, le regard masculin sur les femmes, empreint de misogynie. La male gaze, et donc c'est le thème central de l'épisode, pas la merguez, le male gaze. Et c'est très très dérangeant parce qu'en fait pendant tout l'épisode lui Brandon il passe son temps à faire des petites remarques sexistes et débiles et donc on sent Drew Goddard un peu gêné par ce collègue. Collègue gênant. Il rigole un peu mais en fait il était con de base. Il a rien compris à l'épisode. C'est marrant, c'est comme à la convention. Voilà. Où les autres guests étaient gênés, c'est marrant. Alors, à part ça, il y a quand même 2-3 choses intéressantes à piocher dans ces commentaires audio que j'ai bien évidemment mis de côté et que je vous distillerai au fur et à mesure de nos propres commentaires audio. Si ça vous va, hein, chers auditeurs d'amour. C'est formidable. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Chez vous, oui. Munissez-vous de votre télécommande, donc si vous regardez un vieux DVD, de votre souris, de votre tablette, peut-être vous regardez sur peut-être, des tablettes. C'est parfait, ce qui arrive maintenant sur le live, vous tombez pile poil, on va lancer l'épisode et on va le commenter en direct. Et on compte sur vous, le chat, pour le commenter avec nous. Attention, 3, 2, 1, c'est bon. Top à la vachette, c'est parti. On commence par un Previously. Et Face, ouais, pas mal de Face dans ce Previously, personnage qu'on a très peu évoqué dans le podcast et qu'on... Et enfin, on la voit, la tueuse rebelle. Et on l'adore. Et plus de ça, saison 7, saison très feuilletonnante. Et donc, on nous la résume rapidement, parce que là, c'est l'épisode 718, hein, on est en fin de saison 7. Et on va nous la résumer rapidement, cette histoire de The First, la force hein, en VF, qui veut tuer toutes les potentielles et les potentielles qui viennent se réfugier à Sunnydale, dans la maison de Buffy. Tout à fait. Et la force qui apparaît à travers les morts, bien sûr. Et qui ça va être une menace beaucoup plus flippante que le reste. It's just a handful. That's what it wants. To erase all the slayers in training and their watchers, along with their methods. And then Faith, and then me. It's the end. No more slayer. Spike has a soul now. On apprend aussi qu'il y a, eu un léger problème dans le dernier épisode autour de Spike. L'histoire Spike a provoqué un conflit avec d'un côté Wood, vous savez le principal, le nouveau principal du lycée, et Rupert hein, qui était pour se débarrasser de Spike, voilà, exactement. Personne ne veut lui. Tandis que Buffy voulait. C'est le fils d'une tueuse. Hein. Et oui, ouais, faut le rappeler quand même. Et Buffy, Spike a tué. Buffy voulait, elle, défendre Spike et elle a donc cassé la gueule à Wood pour lui dire bah, c'est moi qui décide, c'est moi la patronne. Et voilà, donc petit conflit avec Jice, hein, le préfet se termine là-dessus. Mais saison 7, beaucoup de conflits, beaucoup moins drôle, hein, on va en parler, mais il y a quand même moins de blagues dans la saison 7. Mais priorité au direct, là, une jeune femme est poursuivie par des vilains moines. On retrouve le genre de scène qui avait ouvert les deux premiers épisodes de la saison, en Turquie et en Allemagne, où des potentiels se faisaient courser et éventrer par des bringers. Elle est sauvée par un prêtre. Et là, oui, parce que là, on est aux Amériques. Et voilà, heureusement, elle est secourue par un type en camionnette. Et c'est Nathan Fillion hein, qu'on adore. Mais il a un regard bienveillant, hein, donc tout va bien. Mais oui, il a un gars sympa. Commence par être gentil. C'est tout le truc de la scène d'ailleurs. Il a basculé. Ouais, et puis il fait son petit sourire. Il a son regard, il a son costume de prêtre. Hein. Donc on se dit c'est un homme de bien. Et ben, c'est exactement le même. C'est connu, les prêtres, c'est toujours des gens bien. Et voilà, et quand on connaît la suite, on sait que c'est un clin d'œil aussi aux Bringers qui sont eux habillés en moines et qui sont aussi les serviteurs de la force. Et ben, on va se rendre compte que Caleb, puisqu'il s'appelle Caleb, on le sait pas encore, c'est un peu pareil. Parce que ben voilà, il va y avoir un petit twist, il va devenir très très méchant. Voilà, et dans ce dialogue, garçon. C'est bien amené cette espèce de côté creepy qui arrive de plus en plus au fur et à mesure qu'il parle. On dit ok, comme elle en fait. De plus en plus fou. Hein. I'm going there myself. I ain't never been, but I expect we could find a police station or... I just need to get to Ravello Drive. C'est très bien vu. Ouais, et puis bah, c'est une figure d'autorité et qui va commencer à devenir inquiétant quand il dit I don't believe young girls should be in the woods at night. Il dit que si elle était en danger, bah, c'était pas la faute des psychopathes qui la poursuivaient, c'était de sa faute à elle. C'est voilà, vrai, elle n'a rien à faire. Donc c'est le tout début, c'est la première évocation du thème qui va être de war. Ouais, qui va être central. Et voilà, et après quand il la traite de pute, c'est encore pire. Et là c'est parti, là on a compris à qui on a affaire. Et là le montage, on était sur un plan large devant, on les voyait deux, et là on commence à se rapprocher du visage de Caleb. La façon dont c'est filmé, c'est super. Voilà, c'est ça, c'est le thème central de cet épisode, la misogynie masculine, le regard des hommes sur les femmes qui poussent, et les hommes qui jugent les femmes, qui veulent les dominer. Donc la notion de male gaze, comme je vous expliquais. Ça fait 3 secondes qu'il connaît la nana, et il se permet de la mettre mal à l'aise et en lui disant qu'elle et de la juger. Et de la juger, voilà. Il se permet de la buter, tenter de la buter après. Et voilà, après. Il faut les faire disparaître parce qu'elles sont dirty. Et ça, c'est intéressant qu'il s'appelle Caleb, ce monsieur, parce qu'on va l'apprendre plus tard, il s'appelle Caleb. Il a un costume religieux de ministère, de pasteur. Et les dogmes religieux, on sait qu'ils sont souvent à la source de cette domination des femmes par les hommes. Et Caleb, c'est intéressant comme nom. Les noms dans Buffy sont jamais choisis au hasard. Caleb, c'est un fidèle serviteur de Moïse dans la Bible. Un gars qui croira tout le temps du début à la fin Moïse qui ira alors que d'autres au début le croient pas trop. Et dans la, donc c'est un vrai believer, un vrai croyant quoi, c'est ça qui est important, comme va être Caleb avec The First. Et dans une seconde partie de sa vie, quand il est devenu roi et tout, et ben il prend l'habitude de filer en mariage ses filles à des mecs qui lui ont rendu service. Donc c'est le personnage, le prénom ouais. Idéal pour un gros bâtard. Alors on le verra plus tard, il est pire que ça, c'est un meurtrier, tueur en série de jeunes femmes, donc le bras armé parfait de la force. Pour The First, la force. Il en mission il y a aussi un côté, c'est du classique aussi dans Buffy, revisiter une scène d'horreur un peu c'est vrai. Du classique, c'est-à-dire que la victime est sauvée par quelqu'un qui est encore pire que les poursuivants d'avant. Voilà. Il y a ça dans Massacre à tronçonneuse. Elle se fait poignarder là en direct. Devil Reject. Et il lui a sorti tout un pataquès de saloperies religieuses. Ta tête est remplie de saleté. Je te purifie, finalement. Voilà, ouais. Cette obsession que les femmes naissent impures, vous savez bien, le péché originel, la pomme, tout ça. Tout ce délire-là, il nous a balancé tout. Et il a balancé la meuf en même temps. On a compris. C'est sur le chat, là, des pires méchants. Le pire mais méchant oui, de la série. Mais oui, on va en parler, vous inquiétez pas. Oui. Et il la marque au fer rouge, hein, juste avant de la jeter. Ouais. Avec l'allume-cigare. Un truc qui est pas très cool quand on fait ça aux animaux. Alors, aux êtres humains, c'est encore plus. Et te dirais qu'il y a Face qui revient back in cellulite. Ouais, elle est bien badass. Elle est un peu dégoûtée de revenir elle là. Se, oui, et elle se rend compte tout de suite que, ah oui, d'accord, okay, c'est pas normal. Suite, donc, en fait, c'est la suite directe. Sunnydale. Il y a Willow aussi, qui est, c'est la suite directe de l'épisode de Angel en fait. Orpheus. Orpheus, épisode 15 de la saison 4 de Angel. Et juste ouais, pour finir, cette histoire de fer, c'est aussi là, cette notion que la femme est propriété de l'homme. Je te marque, tu es ma propriété, tu m'appartiens. Il y a ça. Comme un bétail. Oui, comme le bétail et comme les esclaves aussi. Comme les esclaves qui ont marqué. Voilà, marqué les gens qui marquent d'autres gens au fer, généralement, sont très cool. Très peu recommandables. Il ne faut pas faire ça. Donc, cette première scène donc, était incroyable. On n'a pas eu le temps de tout dire ce qu'il y avait tellement elle était riche. Et bien, figurez-vous qu'elle a été écrite par Joss Whedon. Ah, bah oui. Donc, spécialiste. Non, c'est un bon scénariste. En domination masculine. Là, c'est Drew Goddard qui dit ça. C'est Drew Goddard qui dit je n'ai pas écrit cette scène. C'est Drew Goddard qui dit que Joss Whedon a écrit cette scène. Okay. Et il rajoute mi-blaguant, mi-on ne sait pas si c'est vrai ou pas, que Joss Whedon aurait réécrit 80% de l'épisode. Comme il le fait assez. Mais il fait ça tout le temps. Après, c'est le showrunner. Juste, 80% surprenant, d'habitude, c'est plus 90%. Priorité au direct, là, on est la nuit chez Xander. Et donc, qui dit épisode de Buffy sur la misogynie, dit forcément place importante donnée à celui qui, malgré tous ses efforts, ne peut s'empêcher souvent d'avoir un regard biaisé sur ses partenaires féminines. Le grand Xander. Tout le spectre misogyne est traité. Hein, on a eu avant le générique donc la version hardcore hein, qui conduit le criminel Caleb à tenter d'assassiner une femme. Et là, on a la version light, hein, beaucoup plus calme, mais problématique quand même, de Xander qui ne peut s'empêcher de sexualiser toutes les femmes qui l'entourent. Il est conscient hein, que c'est des choses qui sont pas top et il les combat. Donc il combat ses pensées libidineuses et elles sont restreintes au cadre du fantasme et du rêve. Car pour info, là nous sommes dans un rêve. Et oui, c'est tout ce potentiel, disent à Alexander qu'elles sont très effrayées, hein, et puis elles sont tellement jeunes. Bon, c'est le cliché complet du délire masculiniste, hein, jeune homme qui veut une jeune femme vierge et pure et soumise à son autorité pour être protégée et instruite. Voilà, c'est ce qui peut apparaître en fait comme un petit fantasme mignon. Derrière tout ça se cache plein de petits détails. Notamment la bataille de Polochon, c'est pas un détail. C'est plein de petites saloperies un peu dérangeantes hein, qui est important d'identifier pour les déconstruire. D'ailleurs, voilà, Xander, il en est pas très très fier de ce rêve d'avoir imaginé toutes ces jeunes femmes dévêtues. Il est surtout troublé. Oui. Il est troublé. Je sais pas s'il est pas fier ou pas, mais il se dit encore si bande là, manifestement. Encore une fois, le montage génial parce qu'il y avait le ralenti, la musique et tout. D'un coup, ça se donc stoppe, on croit que le réveil, oui. La situation est totalement différente avec le même cadre. C'est vrai, oui. Même plan. Mais voilà, dans cet épisode, on va avoir une succession de regards masculins sur les femmes. Donc, on avait le regard très très meurtrier hein, de Caleb, le regard un peu sexualisant de Xander. Il va y en avoir d'autres tout au long de l'épisode. Mais là, nous sommes à l'hôpital. L'hôpital où donc Willow et Faith ont amené la potentielle Shannon. Faith résume un peu la situation. Quelque chose tue toutes les filles tout autour du monde et essaye d'éliminer la ligne des tueuses. Voilà, c'est une histoire de. On essaye dans cette scène-là de résumer, de raccrocher les wagons avec. Parce que Faith, nous on l'a pas vu, spectateur de Buffy, si tu regardes pas Angel, tu n'as pas vu, tu sais pas d'où elle vient. Et Faith raconte qu'en prison elle s'est fait attaquer en plus. Dans l'épisode Salvage, qu'on voit ça dans l'épisode d'Angel, on voit cette attaque dans la prison, attaque qui ne marche pas parce que Faith est trop forte, évidemment. Elle est la co-détenue, mais la co-détenue en question est armée d'un poignard identique à celui des Bringers. Donc si on est un spectateur attentif des deux séries, voir le lien entre les deux événements. C'est cohérent, l'univers se tient, ça c'est important. Et ça parle un peu, on refait un peu tout le background de Faith, quoi. Oui, t'es pas forcément la bienvenue, parce que rappelle-toi, dans les derniers épisodes, t'as voulu tuer Buffy ou lui prendre ton identité. T'as couché avec Riley, il y a du bon dossier, souvenir. Quoi. Donc, nous parle de tout ça. Dans le corps de Buffy. Donc. Et là, le cimetière, enfin, il a fallu attendre 10 minutes. 10 minutes d'épisode pour enfin arriver au cimetière. Une jeune femme blonde courir dans un cimetière. Et voilà. Buffy qu'on connaît. Voilà, on pense que c'est du classique, sauf que rien n'est jamais classique dans Buffy. Avec le nom de Drogodar, justement, sur cette pauvre jeune femme qui va. Ouais, c'est fait exprès, tu penses Non, je pense que tu vas trop loin là. Évidemment. Mais... Autre détail important, Spike se fait balancer sur la tombe de Nado. Hein, c'est évidemment un hommage à, à l'actrice. Claire Nado de la quadrilogie des Tuches, hein, parce que Drogodar est fan, est un grand fan des Tuches, hein, des frites. Vache. C'est vrai, mais c'est sûr, c'est ça. Claire Nado, c'est évidemment ça. Claude Sauté et Buffy. Et donc le méchant vampire, c'est en fait Spike, donc pas si méchant que ça. Et la jeune femme blonde est en fait un vampire. Ça, on va le voir juste après. Du grand classique finalement dans Buffy. Quoi. Voilà, et encore plus dans cet épisode où on est là pour montrer des personnages un peu victimes de leur image. Donc toutes ces femmes qui sont victimes de ce male gaze. Et là, on a ces deux personnages très intéressants, Spike et Faith, qui eux sont un peu les rejetés. Les méchants, les mal aimés. Le bad boy et la bad girl de la série. Les meilleurs. Et qui n'ont plus de vilain que le passé. En fait, ils sont plus vraiment vilains. Mais cette image leur colle à la peau. C'est tragique. Faith lui dit ah bon, je suis plus la mauvaise tueuse. Enfin voilà, c'est toi. Spike. Je n'ai rien à voir avec Angel, dit Spike. C'est très drôle. Dès que le nom d'Angel est évoqué à côté de Spike, il y a toujours des très très bonnes vannes. Il y aura plus tard. C'est très méta ce qui est tout le temps comparé quand même à Angel. Enfin peut-être plus en saison 7, remarque. Mais surtout oui qu'il a, puis il a sa c'est un sale copieur. Puis Faith et Spike, moi j'ai toujours voulu voir ça, je le vois. Mais faut lire les comics, mon petit Clément. Il va falloir. Et là justement, donc Faith est obligé de se battre contre la jeune femme qui est en fait une vampire. Et il y avait un petit clin d'œil à l'épisode Faith Open Trick, la première fois qu'on découvre Faith, où elle commence par emprunter un pieu à Buffy en lui disant hey hi. Et là c'est can I borrow that. Enfin c'est pareil, c'est le même genre d'expression pour lui emprunter son pieu. Ouais. Et je voulais dire pour appuyer la qualité du montage que de voir Buffy que maintenant. J'ai trouvé ça cool parce que d'habitude on la voit tout de suite et là ça l'iconise encore plus de la découvrir comme une espèce de légende qui arrive un peu tard quoi. C'est vrai. Non, on est plus sur Caleb et Faith finalement dans cet épisode que sur Buffy. Oui, bien sûr, mais là du coup tu l'avais presque oublié Buffy et c'est bien qu'elle arrive maintenant. Et elle arrive en filant une tarte à Faith. Ouais, et on repousse son arrivée le plus tard possible, comme c'est chouette. Ouais. Bon, là il y avait une perche au début de cette scène hein, dans l'arrivée dans la maison. On l'a pas vu. Personne ne l'a vu, Starkman. L'ambiance est moyenne dans la maison de Buffy. Ça fait la gueule. Je suis pas trop fan de Faith, Jace. Mais ça fait tout le temps la gueule dans cette maison. Non, c'est pas possible. On peut parler vite fait. Saison 7, ça fait beaucoup de gueule. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Personne ne fait confiance à Faith encore. Spike explique que c'est un peu sa faute. Mais dans le retour de Faith dans la série Angel, c'était pareil. Hein. Elle a reçu un accueil très, très, très glacial. Wesley lui a carrément fait subir un interrogatoire. Cordelia lui a balancé plein de saloperies. Oui. Alors, c'était une Cordelia un peu bizarroïde dans cette saison-là. Mais voilà, elle n'est pas la bienvenue où elle arrive. Mais pendant ce temps. Alors, priorité direct, Caleb boit le sang du Christ. Et oui, oui. Passe-moi ton verre, Clément. Caleb, il est à fond dans le délire mystique. Hein, il se prend clairement pour un messie envoyé du Dieu The First. Et il communie en buvant du pinard. Ça, c'est une figure de style parce qu'ils vont préciser les choses. En fait, The First demande clairement à Caleb Do you think, est-ce que tu crois que je suis Dieu ? Et il répond qu'il est au-delà de tout ça. En gros, il s'en fout. Du moment que The First lui donne le pouvoir de mettre en œuvre sa croisade contre les meufs impures, il s'en fout pas mal. D'où vient ce pouvoir. Il parlait même de Little Satan. Satan is a little man, il disait dans la voiture tout à l'heure. Donc Satan est Dieu, pour lui, ça... Oui, il ne pense qu'à lui. Enfin, c'est un homme blanc, hétérosexuel, qui ne pense qu'à lui. Enfin, c'est la figure classique, la base. Et on joue sur les deux significations du mot ministère en anglais. Parce que ministère, c'est le pasteur, mais c'est aussi le ministre. Et c'est ça que va être Caleb, c'est un peu le Jean Castex de la Force. Non, non, non, le, c'est lui, Jean Castex, c'est une des grosses références. Celui qui doit, je te dis, celui qui doit mettre en œuvre la politique du grand leader. Mais le grand leader, comme ça va être rappelé là avec des petits effets spéciaux, le grand leader ne peut pas agir. Hein, c'est qu'une image que Caleb transperce. Et donc elle a besoin d'un bras armé qui va être donc Caleb. Et ce qui est génial, c'est que la force apparaît sous les traits de Buffy aussi, qui est morte, rappelons-le, donc qui peut. Oui, voilà, pour expliquer un petit peu, voilà, parce que. Et du coup, c'est génial que ce soit. C'est la meilleure idée de la saison. Buffy en méchante, c'est trop bien. C'est complètement inattendu, ouais, c'est ça, c'est vrai. Bah, tout, l'arc Caleb, finalement, toute cette fin de saison, c'est. Là, c'est le premier épisode qui lance la fin de la série, en fait. C'est qui lance la bataille finale. Ce plan est super intéressant de profil où il essaye de toucher donc Buffy, enfin ouais. The First, tous les traits de Buffy, mais il n'y arrive pas. C'est la seule femme qu'il ne peut pas posséder, qu'il ne peut pas tuer. Donc c'est aussi c'est ça qui donne l'autorité de The First sur Caleb qui est. Mais le fait qu'il y ait ce plan le montre, c'est ça. C'est juste par les images, c'est chouette. Donc petit clin d'œil, Caleb, c'est enfin Nathan Fillion, l'interprète de Caleb, c'est évidemment l'interprète de Malcolm Reynolds dans la série Firefly. Autre série de Joss Whedon qui a connu qu'une demi-saison, qui s'est fait arrêter très vite. Mais voilà, les comédiens de Firefly ont été recyclés entre guillemets par Joss dans ses autres productions. Donc là, on a Nathan dans Buffy, on a eu Gina Torres qui est aussi Cobb. Adam Baldwin dans Angel, qui joue dans Angel. Enfin voilà, plein de les acteurs vont être réutilisés. Mais la priorité au direct, il se passe quelque chose de fou. Début d'acte 3, nouvelle manière de voir les femmes. Là c'est l'iconisation à la sauce Andrew. C'est Andrew qui présente le personnage de Faith en fictionnalisant, hein, comme il l'avait fait dans l'épisode Storyteller. Il fictionnalise cette présentation, il fait une présentation en fait au potentiel de qui est Faith, et ça ressemble à pratiquement un preview ou même une bande annonce. Et ça arrive juste après la pause pub, donc le spectateur qui voit ça en direct peut même se demander s'il est en train de voir une bande annonce, regarder voilà un teaser, quoi. Ouais, ou si l'épisode est vraiment repris. Juste que là, ça est trop loin, voilà, ou ça va un petit peu trop loin. Et ou là, Spock. Tout simplement. Pète la gueule à Spock. Et là, parce que voilà, il confond vulcanologue et vulcain. et donc, il pense que Faith a tué un vulcain. Donc ça dit, c'est bien fait parce que. Tu te dis quand même pendant son flashback qu'il y a un truc bizarre. Au bout d'un moment, tu comprends pas. Enfin, tu sais pas pourquoi, mais tu vois bien que c'est bizarre et jusqu'à qui est Spock. Il reprend en reprenant de haut les filles en disant silly Amanda, genre vraiment c'est moi le père de famille et tout, quoi. Bah oui, c'est le discours patriarcal, c'est le seul homme de cette scène, et il leur dit mais non, mais je vais vous apprendre la vie, vous savez rien, vous n'êtes au courant de rien. Évidemment, il se fait humilier. Évidemment. Là aussi c'est très très mignon, mais tout ça c'est ça toxique. C'est un peu toxique, et surtout ça mis en place seulement parce que il y a tout ce vécu des hommes qui ont baigné dans cette culture la norme, quoi. Du machisme, quoi, en gros. Et même le petit Andrew se pense supérieur à ses potentiels. Est-ce que c'est bien étonnant de la part d'Andrew? Non, et puis oui, il y a ça en plus. Il parle de Faith en disant que en gros, Faith, on lui pardonne pas d'avoir tué quelqu'un. Pour rappel, Andrew, il a buté aussi quelqu'un il y a pas si longtemps que ça, et lui, il se pose pas la question s'il a le droit au pardon ou pas. Enfin, il y a deux poids, deux mesures, effectivement, quand on est mes femmes. Et on va en avoir une nouvelle illustration avec Buffy qui vient voir son patron à qui elle a cassé la gueule quand même la semaine dernière. Qui n'a pas rêvé de ça, la fin de la série. Qui n'a jamais rêvé de ça. Et il me jette la première bière. Et là, donc ouais, c'est une nouvelle preuve que cette saison 7 est très feuillonnante, parce que cette scène est, si on n'a pas c'est vu la suite de l'épisode, voilà, si on n'a pas vu l'épisode précédent, on comprend absolument pas cette scène. Et va se glisser une nouvelle illustration des différences de traitement entre les hommes et les femmes, parce que le patron mâle de Buffy n'accepte pas d'avoir sous ses ordres une femme plus puissante que lui, et il la met à la porte. Alors il la met à la porte pour de bonnes raisons, entre guillemets, en disant oui mais sur sa mission, tu dois t'occuper de ta mission et tout, mais c'est sans lui demander son avis, et en oubliant que lui il combat le mal et il est principal en même temps, quoi. Alors justement, est-ce que c'est pas la meilleure façon de justement d'éviter qu'elle foire les deux missions? Bah, non, mais c'est déjà une question évoquée que dans la série plusieurs fois en fait, la double vie entre guillemets de Buffy. Ouais, bah, oui, c'est, et qu'elle s'est toujours battue pour la garder. C'est ce qui fait sa différence, c'est qu'elle a ses amis, qu'elle, d'accord, okay, qu'elle a une vie quand même d'adolescente. Oui, mais est-ce qu'on peut pas se placer de son point de vue et dire est-ce qu'il vaut mieux pas qu'elle se ménage du point de vue personnel et qu'elle c'est se concentre. C'est ce que se dit, ouais, donc t'as un discours patriarcal là, personnel, parce que ça y est, Wood peut gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle en même temps. Buffy, parce que c'est une femme, ne peut pas. Alors qu'on vient de voir 6 saisons, elle le fait. Ça rejoint Wood, c'est un gros clin d'œil en fait à cette fausse excuse qui revient en permanence quand des femmes veulent évoluer dans leur milieu professionnel. On leur dit bah non, mais si t'as des enfants, comment tu vas faire avec tes enfants, ouais, c'est ça. Les femmes ne peuvent pas gérer plusieurs choses en même temps, alors que les hommes apparemment pourraient. Enfin, mais là c'est pas de ses enfants, mais c'est une métaphore, tu es au courant. Oui, d'accord, les potentiels sont les enfants de. C'est vrai, excusez-moi, je voulais juste alimenter le débat de Buffy et donc direct, mais là oui, direct Spike. Et une scène qui tout de suite met une tension. Ah bah grosse tension sexuelle là. Fou, là je. Là, entre je... les deux personnages les plus sexualisés de la série. Là, je vais mon t-shirt. Donc oui, Spike. Donc à poil là, sous son petit drap, est rejoint par Faith. Alors Faith va lui rappeler qu'ils se connaissent déjà, hein, mais lui il s'en rappelle pas forcément parce que la première fois et seule fois qu'ils se sont vus jusqu'à présent, c'était quand Faith était dans la peau de Buffy en saison 4. Et là, on peut peut-être juste noter, pardon, juste les chaînes qui retiennent derrière Spike, derrière, qui sont posées là comme une espèce de petit piment. BDSM, elle lui dit de toute façon. Elle lui parle de. Cette scène est chargée de. Tu voulais l'avoir en écolière et la fouetter, donc oui, c'est vrai. Ils en rajoutent. Scène excellente, alors oui. Je vais le dire parce que c'est pas la scénariste que je préfère dans toute la team Buffy, mais elle a été écrite par Martin Oxon, donc soulignons que cette superbe scène est écrite par Martin Oxon, parce qu'il y avait une idée derrière ça. Donc Marty était co-showrunneuse de cette saison, ou même showrunneuse toute seule, je sais plus, c'est sur saison 6 qu'elle est toute seule, donc c'était un peu important quand même, parce qu'il y avait un projet d'un éventuel spin-off avec ces deux personnages, parce que à ce moment-là, tout le monde savait que la série allait s'arrêter, que Sarah Michelle Gellar ne continuait pas, et on envisageait éventuellement un spin-off avec ces deux personnages. Ils ont envisagé des spin-offs sur tous les persos, en fait. C'est ça. Oui. Mais cette scène a été écrite dans cette optique. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir, un spin-off sur Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, ces deux personnages qui se ressemblent beaucoup, c'est les mal-aimés. D'ailleurs, vous voyez, ils se réunissent dans la cave humide, et ouais, ils n'ont pas vraiment le droit à la lumière. C'est des personnages. Littéralement. C'est la scène est très sombre. C'est les seuls personnages qui fument des clopes. Exactement. Ils sont libres dans leur tête. Tu l'as dit, les deux plus sexualisés, oui, oui. Riley, ils mettent toujours en avant leur plastique et leur corps. Qu'est-ce que je voulais dire de quoi ? Que cette lumière est super. Cette cave, on l'a vu éclairée de plein de façons différentes. Là, elle est vraiment très très sombre. L'histoire de clope aussi. Enfin, pardon, on fait de la redite, mais voilà, l'histoire de fumer après l'amour, ça fait. C'est ça vrai. Ajoute ouais. Une petite. De toute façon, là, on a l'impression que Spike, il vient de faire l'amour justement. Du à poil sous ses draps. Et attends, tu vas voir après, parce que le cadrage nous indique qu'il y a un rapprochement aussi, là, en direct. Et il y a toute une mécanique de charnelle, enfin de montée en tension amoureuse, parce que bah voilà, au départ elle est habillée, elle commence à se dessaper, se rapproche. Et là, regardez dans ce plan, pardon, je te coupe, mais on dirait qu'ils viennent de baiser, là, littéralement. Ouais, ouais. Parce que là, on voit pas si elle est habillée ou pas, ils la cachent complètement, et là, ils viennent de baiser, quoi. Ça, et elle lui a pris sa cigarette, enfin voilà, ils ont toujours été. Comme s'ils se connaissaient depuis toujours, ces personnages. Alors que pas du tout. Et y a aussi ce truc, ça, on est dans un épisode donc avec des thématiques très religieuses, la bien-pensance, tout ça. Et dans tout ce délire, comment dire, puritain, religieux, bah, le sexe, c'est mal. Hein. Ah bah donc oui. Forcément, les méchants, c'est le côté obscur. Les bad, entre guillemets, et bah, ils aiment le sexe et ils ne s'en cachent pas. Ils sont pas. Vous avez été très très méchant à cette table, j'ai l'impression. Mais punis-moi. Si peu. Et là, il se passe tout ça pour génial. Une scène de comédie romantique. Et bim, regarde. Avec le quiproquo. Et Buffy, qu'est-ce que vous faites là ? Buffy qui débarque là-dessus, c'est un peu le c'est ciel mon mari, hein, d'une comédie de boulevard. Le mari qu'on pensait au travail rentre plus tôt que prévu et surprend sa femme au lit avec un autre. Et voilà, et sauf que comme on est dans Buffy, les genres sont inversés, mais c'est complètement les codes de l'adultère qui sont joués ici. Bah oui, la gêne. Ça fonctionne super bien, quoi. On a vraiment l'impression que. Ils sont gênés. Que tout le monde est gêné et que Buffy arrive au mauvais moment alors qu'il s'est rien passé, on le sait. Enfin, c'est ouais, mais très drôle. La Shannon, la potentielle qui avait été très très malmenée par au Caleb, début. Se réveille. On la retrouve. Donc elle n'est pas morte déjà. On sait comment elle a fait pour survivre non, à cette, on ne sait pas. Ce truc horrible. Qu'elle quoi, était morte, qui... ouais, ouais, coup, mais bon, voilà. Elle a un bol monstrueux. Lui du chasseur. Et oui, parce que voilà, moi je voulais en profiter, donc elle va révéler des trucs à Buffy, tout ça. Mais je voulais en profiter pour parler de La Nuit du Chasseur, un film, film de 1955. De qui l'a fait ce film? Je sais même pas si j'ai marqué. Enfin bref, un film dans lequel Robert Mitchum. Joue un tueur en série fringué comme un révérend, et il nous est présenté au début lui aussi au volant de sa voiture. Enfin, c'est exactement pareil que Caleb. Il parle beaucoup à son dieu en pensant qu'il a une mission divine d'extermination à mener sur Terre. Enfin, tout pareil. Il est effrayant, il est dérangeant. Il parle avec un accent de la campagne américaine. Donc tout dans le jeu, dans le traitement de ce personnage de Caleb, on retrouve une énorme influence donc de ce personnage de Harry Powell, interprété par Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Et oui, donc là, on arrive maintenant dans la maison de Buffy. C'est la fin de l'acte 2. Buffy raconte à ses troupes, Buffy, c'est la générale en chef. Elle leur annonce que l'heure de l'entraînement est terminée, que là, on part vraiment au combat. C'est du sérieux. La thématique de la guerre avait été évoquée pendant le dialogue avec Wood. Et là, c'est clairement le cas. Tout le champ lexical militaire va être utilisé pendant cette fin d'épisode. Et Buffy, c'est le général qui hésitait à emmener ses troupes, elle ne savait pas si ses troupes de potentiel étaient prêtes pour le vrai combat, et là elle décide de les emmener au c'est combat. C'est là tout le dilemme. De les emmener attaquer Caleb. Caleb, pendant ce temps-là, il est dans sa cave, et il y a une scène étrange où la caméra ondule, c'est un peu une ambiance mystérieuse, on ne sait pas trop ce qu'on est. C'est une nouvelle manière de voir les femmes, donc les femmes comme proie à chasser. Parce que c'est un Caleb là, se livre à un petit jeu un peu macabre autour de la jeune femme vêtue en blanc, totalement soumise à son discours de passion. Voilà, lui c'est comme ça qu'il voit les relations hommes-femmes la domination. Voilà, et cette jeune femme, il va la conduire vers l'obscurité à côté de lui. Il va y avoir même un plan quasi entièrement sombre, entièrement noir. On va plus rien voir. C'est et c'est à ce moment-là que la jeune femme, on le comprend après, se fait assassiner. Ouais, ce plan, et il est tout noir. On voit, il y a un bout de tonneau. Oui. C'est une mise en scène efficace. Et se fait assassiner. Et en fait, tout ça n'était qu'un jeu de rôle. Oui, parce que le couteau n'a pas de sang. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. C'est la voilà, force qui joue avec. Qui joue. C'est son fantasme. Voilà. C'est un gros taré. The First l'aide à rejouer les meurtres près de ses meurtres passés. Parce que ça, c'est évidemment. Cette jeune femme a été vraiment tuée par Caleb. Et il aime revoir ça. Il aime rejouer à ça. Petit Cladol, l'actrice qui jouait la jeune femme, c'est Carrie Sosworth. Et elle rejouera avec Nathan Fillion dans la série Castle. Son plus gros succès finalement. Nathan Fillion. De Nathan, oui, une série qui a duré très très longtemps et où il joue un écrivain en embedded dans la police où il fait des enquêtes. Voilà, il aide la police avec parce qu'il est romancier. Pas vu. Et c'est une série policière très très classique, mais un peu marrante. Avec une histoire d'amour. Nathan Fillion très bon. On aime Nathan Fillion. 173 épisodes, hein, c'est plus que Buffy. Et on peut y voir le pote Graham, le pote de Riley. Il joue un agent du FBI, si vous regardez ça. Buffy, là, fait une réunion avec son état-major, parce que, donc, après avoir dit à ses troupes qu'elles allaient partir à la guerre, maintenant, il faut faire un plan d'attaque. Et donc, le chef de guerre réunit ses officiers, donc c'est le noyau. De la troupe, donc il y a Jice, il y a Spike, il y a Face, il y a tout ça pour faire le plan. Enfin, on est complètement dans comme je l'ai dit, dans le registre militaire. Je vais peut-être trop loin, mais est-ce que son costume à Buffy nous indique pas justement un truc martial? Ouais, un peu, peut-être des épaulettes. De carrière en tout cas, une épaulette, un peu, voilà, une autorité militaire. Toujours très important de faire des points. Et Xander et Jax ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Bah oui, c'est les deux vieux mâles de l'ancien monde. Ce qui est terrible, en fait, c'est, on en parlera peut-être à la fin, mais c'est qu'ils ont raison, en fait. Parce qu'elle va dans un piège et ils vont perdre. Donc. C'est ça qui est terrible. Est-ce qu'il ne fallait pas faire cette bataille quand même? Si. Mais si, voilà, bien sûr. Bien sûr. Même quitte à la perdre, il fallait peut-être. Il fallait la faire, évidemment. Xander perd un œil. C'est terrible. Oh, comme tu spoil. Personne ne l'a vu. Buffy et Faith partent en reconnaissance en forêt. Et on voit juste bien ici, que tout va bien. Les potentiels sont décrits comme une armée. Hein, c'est officiel. Les femmes ont déclaré la guerre à la misogynie et vont partir. Et au patriarcat, est-ce qu'on peut le dire, regarde, tout à fait. Voilà. Et si on reste d'ailleurs sur cette lecture féministe de l'épisode et de cette scène, cette scène nous dit quoi ? Elle nous dit que pour mener ce combat contre la misogynie, les femmes, elles doivent aussi faire la paix entre elles, s'unir. C'est ce que fait Buffy avec Faith, en fait. Elles ne l'aiment pas, elles ont tenté de se tuer chacune à plusieurs reprises, mais là on doit oublier tout ça et on doit s'unir contre un ennemi commun, comme ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hein, les différents courants du féminisme sont divers et ne sont pas forcément d'accord, mais à un moment donné doivent s'unir pour combattre un objectif précis, quoi, commune, ouais, et avoir une chance de le battre. On rappelle aussi à la fin de ce dialogue les épisodes, les événements qui sont passés dans l'épisode Orpheus, enfin dans la série Angels, sont évoqués. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Riley, le fait que Willow vienne à Los Angeles pour aider toute l'équipe, pour rendre son âme encore une fois à Angel, pendant que Faith se baladait dans l'inconscient d'Angel avec l'intermédiaire d'une drogue magique. Angel parfois, hein. Il y a beaucoup plus inégal, moi je trouve personnellement, inégal, oui, que Buffy. Surtout la saison 4 d'Angel, c'est pas. Mais il y a, la plus, y a quand même de très bons épisodes, très bons épisodes d'Angel, ouais, tout à fait. Et donc la scène va se terminer, cette scène-là, hein, au Vineyard, ouais. Et par l'évocation de la cavalerie, hein, donc encore un terme, oui, militaire. Et oui, décor du vigneron de Vineyard, de Shadow Valley Vineyard, je crois que c'est ça. J'ai oublié ce que j'ai écrit. Nouveau décor qu'on n'avait pas vu dans Sunnydale et qui est très cool pour tout ce côté aussi thématique, quoi. Et autre clin d'œil à Firefly, parce que Shadow, oui, c'est le nom de la planète de naissance de Malcolm Reynolds, hein, le personnage interprété par Nathan Fillion. Donc là, Xander fait un discours au potentiel sur les qualités de guerrière et de leader de Buffy. Bon, il a tenté, quoi. Oui, alors, et ça, c'est, ça met le doigt sur quelque chose d'assez qui peut être dérangeant, hein, pour quand on est non belliciste. En fait, il explique que là, on va faire la guerre et que Buffy, elle est 100 000 fois meilleure que nous et que nous, pauvres mortels, on doit la suivre aveuglément, suivre ses ordres et ne jamais les remettre en question. C'est la définition parfaite du chef de guerre et ça montre l'ambivalence, hein, de ce genre de situation, parce qu'en cas de conflit généralisé, voilà, si t'es dans l'erreur, le groupe des gentils, en gros, hein, qui met normalement en avant le particularisme, l'ouverture aux autres, la vie en communauté, tout ça, et bien ici il doit fonctionner, ce groupe, comme un mini régime totalitaire, en gros, autoritaire en tout cas, et l'individu doit s'effacer derrière le chef. Ce qui est de Buffy, t'es chef de famille et devient chef de guerre. Chef de guerre, elle est complètement chef de guerre, et encore une fois, elle l'a pas voulu. Et donc c'est super ambigu, ouais, mais c'est volontairement ambigu. Une manière, et je reviens là-dessus, de dire qu'il faut passer par des choses pas très cool quand on fait la guerre, quoi. En fait, la guerre, c'est sale. Pour se construire. Le discours de Xander est excellent, là. C'est pas littéralement. Et je te dis maintenant, elle s'en fout plus de vos vies que vous ne le savez. Vous devez la trouver. Elle l'a gagné. Damn. I never knew you were that cool. Well, you always were a little slow. I get that now. All right. Bah oui, oui, oui, c'est là où Andrew pleure d'ailleurs, il me semble. Oui, oui, il verse sa petite larme. Parce qu'il y a aussi peut-être un truc méta, c'est-à-dire que moi en tant que fan, j'ai kiffé ce moment-là parce que ça me fait penser au discours, genre Aragorn avant le début d'une bataille ou dans l'armée des ténèbres. Et du coup, ce discours, je comprends qu'Andrew pleure parce que c'est un moment qu'on kiffe nous en tant que fanboy, quoi. Enfin, fanboy ou fangirl, fan tout court. Spike fait référence au Falcon Crest, hein, c'est un soap opéra des années 80, donc c'est pour en remettre une petite couche sur la passion de Spike pour les soap opéras. On l'a déjà vu quelques fois regarder la télé dans sa crypte. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Bah oui, il est comme nous, en fait, Spike. Hein. Il est un peu comme nous. Surtout la coiffure, Clément. Du coup. Et là, on va arriver à la baston. Ça va être une très grosse. Là, ça devient pas mal. très grosse scène de baston. On va voir que dans un premier temps, ça va se passer pas trop mal. Hein. L'armée des potentiels va bien s'en sortir, mais ça va être uniquement le début. Hein. Là, ça affronte que des moines aveugles, donc ça se passe pas trop mal. Vous allez voir que l'arrivée de Caleb va un peu changer la donne. Hein. Après, ils ont pris un risque avec cette mise en scène parce que c'est tout sombre et on voit pas beaucoup. Alors, c'est peut-être voulu, hein, du coup, que ça, on sache pas bien qui tape sur qui. On comprend, moi, justement. On comprend, mais je vous dis qu'ils ont pris un risque et c'est assumé pleinement et c'est bien exécuté. Mais ça rajoute une vraie ambiance un peu étrange, mystérieuse, c'est glauque. Tout à fait, c'est vrai. Et puis il y a des plans qui accompagnent les corps pour changer de scène de baston et tout, enfin de personnages. C'est vrai. C'est bien fait. D'accord, ouais, donc moi il me semblait que c'était limite au niveau de la lisibilité, mais que c'était très potable. Et voilà, il arrive, il fait son serment de taré intégriste hein, qui veut tuer les impurs, et surtout il va donner un coup. Mais c'est surtout un big bad de ouf. Ouais, parce qu'il va donner un coup à Buffy qui va la faire valdinguer et qui nous annonce que ce psychopathe. En plus, il a des pouvoirs. Hein. Mais pour le coup, c'est génial parce que je me souviens de ce que j'avais ressenti la première fois que j'ai vu. Je me dis, putain, là on a en face quelqu'un qui est pas un monstre. Et qui arrive à frapper Buffy méchamment. Enfin, on sent tout de suite que ça va être compliqué de le battre, quoi. Et ben oui, parce qu'on arrive à la fin de l'acte 3, donc faut qu'on ait très très très peur. Hein. Faut que nos héros soient en danger à la fin de l'acte 3. Ben, on a tous très très peur. Et là, ça va arriver bientôt. Hein. Most of flame, with that most precious invention of all mankind, the notion of goodness. Il va dire taupe, tu vois qu'il va dire taupe. Est-ce que Caleb va dire taupe avant que t'as. Attention, taupe, alors c'est taupe, et voilà. Ouh là là. Ouais, il a déglingué, la pauvre. Ah bah ouais, là ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est très bon. Bah, coupure pub déjà. Caleb est très très bon. Et donc il est donc super fort. Ça nous rappelle un peu la première baston face à Glory. Hein. C'est vrai, ouais. On a commenté il y a pas si longtemps que ça. Elle défonce l'immeuble. Et c'est la même idée que montrer que ce super méchant va pas juste être le Freak of the Week. Il va falloir quelques épisodes hein, pour en venir à bout et qu'il a un potentiel de nuisance relativement important. Le décor, les tonneaux de vin qui se perdent, c'est tout, c'est excellent. Parce qu'on voyait pas énormément de sang dans Buffy et du coup c'est une vraie. Bah c'est du vin. C'est habile. Oui c'est du vin, mais ça fait flaque de sang. Qui annonce le sang ouais, que Caleb veut verser. Cool, hein. Il veut tuer tout le monde quoi. Il veut faire couler le sang. Il veut faire couler le sang impur. Lui il est dans son bon droit hein, finalement. Et c'est là que voilà les premières potentielles commencent à mourir. À attaquer. Ça. Une ça guerre. Forcément. Bah ça y a des pertes. Face à face contre Face. Excellent. Elle se défend quand même, plus que Buffy. Ah bon? Bah Buffy elle s'est pris un coup, elle est KO. Bah elle va revenir là, elle va lui mettre une tarte. Ah bon? Je crois. N'empêche que Face qui se bat contre là, Caleb. Là il aurait pu péter le bras à Face, il aimait juste une gifle, je me suis dit. Parce mais qu'il a pété c'est pas le bras la première de, fois la que justement. Dans cette série des fois, ça va un peu, c'est un peu facile. Donc voilà. Et cette histoire de vin qui coule, moi je trouve que c'est très efficace. Bah ouais, non, mais le décor est super. Hein. Comme dans tout, comme tous les méchants nuls, il pêche aussi par orgueil un peu. Il se croit. Bah, il parle déjà. Il parle pas de parler. Il fait des punchlines et tout. Ouais. Il se bat en marchant tranquillou. Voilà. Il est... C'est Nathan Fillon aussi qui apporte peut-être ça au perso, non? Peut-être. Ce côté un peu désinvolte et tout. Moi je le trouve d'autant plus inquiétant ce personnage peut-être. Qui arrive à taper facilement sans trop faire d'efforts quoi. Après je sais pas si t'as suivi Firefly à l'époque et que tu le retrouves là-dedans et qu'est-ce que tu. Alors moi j'ai vu Firefly après du coup. Ouais, mais moi aussi mais. Voilà. Ah oui, si t'as commencé par connaître Michael Rowers, qui est quand même un mec assez sympa. Ou alors même, au contraire, si tu connais beaucoup Castle, parce que c'est quand même beaucoup plus récent, et que tu le découvres là-dedans, là, en prêtre psychopathe. Maintenant, il vaut mieux le découvrir, je pense que Nathan Fillion, il faut le découvrir là. Ouais, bon, mais il faut le découvrir en Caleb. Mais alors, Captain Hammer, il va donc vous avez vu cet épisode, vous savez très bien ce qui va arriver au pauvre Xander. J'espère que vous l'avez vu. Xander qui évoquait ses yeux hein, dans son discours de motivation. Hein, oui, il disait oui. Faut toujours viser les yeux, les monstres sont toujours des yeux et tout. Et là, il va lui arriver. Et là, c'est dommage parce que. Hop là ah, c'est horrible cette scène. Il a pris. Fait crever l'œil. Caleb lui crève un œil en lui disant tu es celui qui voit tout hein, c'est ça. En plus c'est vrai. Et oui parce que voilà c'est ça. Xander c'est celui qui voit les choses hein, comme il disait à Dawn à la fin de l'épisode potentiel l'épisode l'épisode 12 de la saison 7 où Xander il lui disait aussi je vois plus que les autres parce que les autres me regardent pas. parce que personne me regarde. Ça tient. S'en prendre à Xander, et à ses yeux, c'est déjà s'en prendre à un des rares alliés hommes de la tueuse, mais c'est aussi s'en prendre à un témoin, à celui qui voit les choses et qui les passe et qui les transmet. On vient de voir il y a quelques minutes son discours hein, qui motivait les potentiels. Sans son discours, sans son rôle de transmission, peut-être que les tueuses ne seraient pas, les potentiels ne seraient pas allés à la bagarre. Évidemment. Et si on reste sur une lecture politico-militaire hein, de cette fin d'épisode, on peut voir en Xander l'image des médias hein, qui couvrent un conflit, qui sont là pour rapporter les faits et nous dire si une guerre aussi terrible soit-elle, si elle est légitime ou pas, si on peut la faire, si on peut la faire, dans quelles conditions on peut la faire, tout ça. Okay. Xander, c'est en ça qu'il est témoin de tous les actes, et faire perdre une partie de sa vision à Xander, c'est un témoin, c'est dommage. C'est absolument pas anodin. Surtout que tu te dis quand tu vois l'épisode, bah non, il peut pas avoir perdu un œil. Surtout que je sais pas, je crois que t'en parles après, mais que le Whedon a envisagé de tuer Xander la place du crevin, clairement buté. Il a été, été pas mal aussi, suggéré de faire mourir Xander et qu'il revienne sous les traits de The First en fin de saison, mais ils se sont dit que finalement on a préféré le garder et le blesser. Par contre, c'était important de le blesser violemment, gravement. Il est méchamment blessé. Drew Goddard. C'est ultra violent. Ouais, Drew Goddard dans les commentaires audio, il dit que Xander représente la maison. C'est lui qui répare la maison. C'est en plus, c'est le charpentier de l'équipe. C'est lui qui fait tenir la famille Buffy debout. Et en s'attaquant à Xander, Caleb touche la famille. Il touche nos cœurs en plus. Ouais. C'est un final extrêmement sombre hein, parce qu'à la fin donc il y a tout un monologue hein, de Caleb dégueulasse sur Caleb il ouvre et il referme l'épisode un délire biblique hein, sur enfin c'est même chose nulle et où il doit buter la première femme, la Dirty Girl, tout ça sur le péché originel, tout ça là-dessus Buffy déambule dans les rues un peu paumé hein, ne sachant toucher le fond pas dans cet épisode, enfin déjà ça va mal, c'est encore après qu'elle touche de plus en plus le fond. Ah oui, t'es terrible chef de guerre, fin de saison, t'as merdé, c'est fou. Alors, heureusement il reste quelques épisodes pour battre Caleb, tu me rassures. On va passer à la conclusion. Oh my god, it's a sombrero and it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Hey, oui, conclusion donc de cet épisode assez extraordinaire. Donc Drew Goddard, je trouve qu'il a tout compris à la série, ce mec. Les dialogues de tous ces épisodes, et de celui-là en particulier, sont drôles, sont percutants. Et on retrouve l'énergie des premières saisons, hein, tout ça, parce qu'il était avant tout un gros fan de la série, avant d'en devenir scénariste. Il a regardé. Un petit détail aussi amusant, Emma Caulfield, donc l'interprète d'Anya, elle est créditée dans cet épisode, mais elle n'apparaît pas. En fait, dans le scénario, le personnage de Dania était coupée présente. Non, elle était là, mais elle n'avait aucune réplique en fait. Donc ils se sont dit, autant pas la faire venir en fait. Elle était censée être là dans les scènes de groupe dans la maison. D'accord. Mais logique finalement. La scène où Xander se fait estropier l'œil. Et pourquoi pas Figurez-vous qu'elle existe dans le livre de coloriage Buffy. Vous savez que tu as fait le week-end dernier, Clément. Tout à fait. Ouais. C'était génial. Est-ce que vous avez des choses à ajouter vous en conclusion, messieurs? Tout à fait. Ah oui. Plein de choses, mais moi je suis paumé dans ce qu'on n'a pas dit. Alors attends, j'essaie de m'y retrouver. Clément, alors peut-être. Oui, je vais peut-être un peu me répéter parce que je voulais vraiment appuyer sur le fait que Caleb représente un méchant de fou parce que je sais pas, après tout le bestiaire qu'on a vu dans toutes les saisons, là on s'approche de la fin, comme tu l'as dit, et le fait que le big boss soit un homme et qui plus est un prêtre, je trouve que ça donne une portée beaucoup plus dramatique et finalement beaucoup plus flippante parce que c'est pas un dragon, c'est pas un vampire, c'est pas une momie, le boss final, c'est un homme, un prêtre. Voilà, donc ça déjà c'était assez, assez notable. Et puis dans l'ensemble, je trouve que de toute façon cette saison elle est beaucoup plus, elle est mieux amenée, elle est mieux écrite, elle est mieux filmée. Et les lumières, c'est pas toujours le cas. Les lumières donnent un cachet supplémentaire. Et bon, bah, la perte de l'œil de Xander, on est surpris parce que c'est complètement inattendu. Et puis on commence à avoir peur pour le Scooby Gang. En fait, du moment que lui a perdu son œil, tu te dis, d'accord, donc là, ça craint. Mais pour moi, je pense que c'est une des meilleures bastons de toute la série, quoi. Niveau tension, intensité, pas au niveau choré, mais au niveau conséquence et tout, quoi. Enfin, tout à fait, c'est vrai, pas au niveau choré. Et t'as raison, là, Alexander, il prend très cher et c'est irréversible, c'est pas juste un petit. Bah oui, un petit coup, il s'est pas cassé le bras, quoi. Ouais, donc, tu commences à avoir peur. Ouais, et puis on l'a dit dans le podcast, mais Whedon envisageait de le tuer à ce moment-là, donc c'est quand même. Alors là, il le tue pas, mais oui, il lui donne un truc irréversible et. Mais il disait qu'il voulait finalement échanger d'avis et pas le tuer parce qu'il y restait trop peu d'épisodes pour gérer les conséquences de la mort d'un personnage aussi important que Xander, du coup. Tout à fait. Il s'est dit autant le blesser gravement et puis du coup ça va le caractériser encore plus, on le verra. Dans les BD. On le verra dans les comics, tout à fait, mais aussi même dans les derniers épisodes de Buffy parce que. Mine de rien, c'est bientôt fini. Et puis, ça plante les graines de la culpabilité que Buffy, en tant que chef de guerre, va devoir supporter, quoi. Elle est responsable, non pas de la mort d'Oxander, mais de son handicap, quoi. Et sur ce côté chef de guerre, il y avait dans la scène avec Wood, dans le bureau de Wood, il y avait un truc intéressant aussi que disait Drew Goddard dans les commentaires, c'est que, en fait, pendant cette saison 7, les États-Unis venaient d'entrer en guerre contre l'Irak. Tout à fait. Et justement, avec Joss Whedon, il voulait parler de la guerre, de comment on se met en ordre de bataille, toutes ces trucs sales qu'on doit faire pour lutter contre un ennemi horrible. Mais ils voulaient pas parler de cette guerre-là en particulier, ils ne voulaient pas réagir à l'actu. Et donc ils ont fait exprès de rajouter quelques subtilités dans le dialogue de Buffy où elle dit qu'elle fait la guerre malgré elle, qu'elle a été poussée à faire ça. Enfin, elle voulait parce que ils étaient obsédés par l'idée de pas vouloir ressembler à la politique américaine et à ce que faisait George W. Bush, en fait. Et j'avais noté justement que j'ai pas dit pendant l'enregistrement, mais justement au sujet de George Bush et de la guerre, il y a Yael, notre copine Yael, qui est venue de plusieurs fois dans le podcast, Yael, qui a écrit sa thèse sur ça, sur tout à fait. Sur les guerres de qui s'appelle la 7e saison de Buffy contre les vampires et les guerres de George W. Bush, analogie, commentaires et critiques. Et c'est justement, ça parle de tout ça et elle l'évoque. Vous pouvez le voir sur YouTube, justement. Salut YouTube qui strike nos lives d'ailleurs, au passage. Un gros bisou. Souviens-toi, Clément, on y était, la conférence de Yael, Carole et Sandra Logier au Forum des images sur Buffy. Tout à fait. Il y a tout un passage justement sur cette saison 7 et sur cette analogie avec la guerre en Irak qui est passionnant. Qui est notable. Ça, c'est ce que j'avais pas dit pendant le podcast. Et là maintenant tu l'as dit. Ouais, non, d'autres choses. C'est formidable. J'avais un assez très important que j'avais noté et que j'ai pas eu le temps de dire. Il y a une référence à un excellent film qui s'appelle Glitter avec Maria Carey. Ah oui, d'accord, on en est là. Donc. Dans la scène géniale, dans la cave humide avec Spike et Face. Voilà, et dans la Glitter. Tu fais bien de comédie musicale. Hein, ton film préféré. Excellent. Voilà. Et pour la petite anecdote, Maria Carey a gagné le Razzie Awards de la pire actrice pour ce film. Oui, j'ai vu ça. Merci, Riley. Ça me semblait important de parler. Il fallait dire. Et si le Nuit du chasseur, t'as pas dit le réalisateur, je crois. Parce que je l'ai. Oui. Charlton, évidemment, le grand Charlton. Juste la Nuit du chasseur, il y a un truc qui est à voir. Grand film à voir. Film. Très très malaisant, mais à voir. Il y a un côté, c'est pas un film fantastique, mais il y a la façon dont c'est filmé, dont c'est éclairé. On peut se dire que le méchant Robert Mitchum, il a un côté fantastique un peu à la Caleb. Oui, parce qu'il y a aussi toute une partie du film qui se passe du point de vue des enfants. C'est vrai. Et donc, il passe pour un grand méchant. Et comme tu dis, surhumain, parce qu'il est du point de vue des enfants qui le prennent pour quelque chose d'imbattable. Bon, c'est très flippant. Pour finir avec cette histoire de guerre, je voulais aussi rapprocher donc Dirty Girls d'un film The Dirty Dozen qu'on connaît ici sous le nom des 12 salopards. Donc voilà, au-delà de la similarité du titre, donc ce film de 1967 de Robert Aldrich qui raconte comment une douzaine de types sont recrutés dans une prison militaire pour être envoyés dans une mission spéciale, une sorte de mission suicide pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors on peut voir points communs entre les deux œuvres. Il y a les références religieuses, évidemment, parce que c'est 12 salopards, c'est les 12 apôtres, tout ça. Il y a un des personnages qui est très mystique et qui déteste les femmes comme Caleb. Enfin voilà, il y a plein de petits. J'ai cru que tu avais dit Clément. Petit clin d'œil, mais surtout, oui, il y a une phrase qui m'a fait, parce que j'ai revu le film du coup pour préparer le podcast, et il y a une phrase qui est très intéressante qui est dit par comment il s'appelle, c'est Lee Marvin, c'est le major qui recrute tous ces taulards pour en faire un bataillon d'élite, et après que ces gars aient été examinés par le toubib, et le toubib il dit c'est n'importe quoi, il y a des tarés, des psychopathes, des crétins, c'est n'importe quoi ces 12 mecs, et Lee Marvin donc il répond c'est parfait, c'est avec ces gens là qu'on gagne des guerres, et déjà c'est très drôle, et c'est vraiment une phrase qui est importante, parce que oui, la guerre c'est sale, on la gagne avec les méchants, donc c'est pour ça dans cet épisode qu'on rappelle Faith, c'est pour ça que Buffy tient à garder Spike à ses côtés, c'est on a vraiment besoin de tout le monde dans une guerre, même des gens sur lesquels on comptait pas forcément au début. Il y a David sur le chat qui nous dit que c'est Suicide Squad, en fait effectivement Suicide Squad n'a rien inventé finalement, c'est le même scénario. Ah d'accord, je connais pas du tout, mais avec des super-héros, enfin des super-vilains du coup. Ah d'accord, ok, bah oui, non, mais Margot Robbie, il y a Margot Robbie. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire en conclusion? Ah si, le côté chef de guerre qui continue à être développé, côté chef de guerre de Buffy qui continue à être développé dans les comics saison 8, où elle gère justement toutes les potentielles qui sont devenues. Ah bah oui, puis là c'est devenu un bataillon d'élite. Ouais, il y a carrément un vrai côté militaire avec chacun. Buffy dirige un vrai groupe ultra organisé avec une vraie hiérarchie des gadgets. Si ça, vous êtes curieux de cette Buffy, cette version de Buffy, allez poursuivez avec les comics. Une très belle conclusion. On va maintenant passer. À la rubrique, il n'y a plus de chouf. Bon, il y a fin de podcast. Il y a encore plus de chouf. C'est terminé. On va maintenant passer à la rubrique préférée à nos auditeurs et nos auditrices au sujet décrété. Mm-hmm. Bah, c'est Reaper, c'est votre feuilleton. Le feuilleton que vous attendez tous. Alors aujourd'hui, quel épisode on écoute, Riley? On écoute le 5e épisode de Reaper déjà. Oula, déjà. On arrive bientôt à mi-saison. Hein. Ouais. Mais c'est le meilleur épisode. Ce sera en 12 épisodes. C'est le meilleur épisode. Qui s'appelle Death Record et qui est, je pense, qui est beaucoup plus long que les autres. Hein. Préparez-vous. Bah, on a tout donné. Le monde de la musique, hein, c'est ça qui est. L'industrie musicale. L'industrie musicale on qui a... utilise la magie et tout, vous allez découvrir ça. On a dedans de la comédie musicale. Hein. Ça commence en chanson, effectivement. Ça chante un petit peu. Bah, allez, tout de suite, c'est parti. On met ça, et puis gros bisous à Lorraine hein, qui fait le Reaper avec nous. C'est le moment de remercier toutes les voix magnifiques qui ont participé à cet épisode. Donc, Lorraine, il y a Émile. Et Guy qui était venu dans le podcast qu'on fait deux voix formidables, José aussi, on a également José, on a Arnaud et Amandine, enfin tous les copains qui ont prêté leur voix à cette belle aventure, et évidemment Big M, notre narrateur formidable. C'est parti pour l'épisode 5 de Reaper. Ripper. Épisode 5. Death Records. Don't you hear my call? Throw you many years away. Don't you hear me calling you? All your letters in the sun cannot heal me like your hand. For my life still ahead, pity me. C'est génial. T'as vraiment un truc. C'est vrai? Vous trouvez? Je vais être très clair avec toi. À chaque fois que j'accepte de recevoir de belles poupettes en audition dans mon bureau, c'est uniquement pour... tu vois? Oui, j'ai compris, merci. Pour leur montrer mon instrument. Oui, alors je vous confirme que j'avais déjà compris, mais moi je suis là pour... Je sais pourquoi t'es là, ma jolie. Tu te dis que chez Death Records, on ne fait que de la musique de qualité, mais sans jamais négliger le public. Et tu te dis que si par chance on acceptait de te signer, ce serait le début d'une immense carrière pour toi, non? Plus ou moins, oui. Vous savez, la musique, c'est mon rêve. Eh ben, tu sais quoi? Ton rêve, j'ai bien envie de l'exaucer. Sérieusement? Même si je couche pas avec vous? Ouais. Mais va quand même falloir faire quelque chose pour moi. Quoi? À partir de maintenant, tu oublies les artifices magiques. D'ailleurs, c'est quoi que tu utilises? Un charme de sirène, non ? Je vois pas de quoi vous parlez. T'es bien gentil, mais on me la fait pas. Si tu veux bosser avec moi, la magie c'est terminé. Finito. La magie c'est terminé ? Il t'a dit ça comme ça ? Oui, il m'a dit qu'en 20 ans de carrière, il avait vu défiler beaucoup de gens qui se faisaient aider de la magie. Et apparemment qu'il savait déceler qu'il y avait du potentiel malgré le sort. C'est dingue. Vous en pensez quoi, vous ? Je trouve ça injuste. Ça veut dire que n'importe qui fait un petit tour de magie, là, peut devenir star de la chanson. Oh là là, attention, attention, vous allez fâcher Rupert ! Mais pas du tout. Mais ça vous étonne pas qu'un simple producteur de musique trouve normal l'utilisation de la magie ? Comme si tout le monde était au courant. Merci, Ethan. C'est surtout là que je voulais en venir. J'ai eu l'impression que l'occulte était finalement assez répandu dans cette boîte. Bon, mais après, il s'est passé quoi ? Bah, justement, après, c'était encore plus bizarre. Je t'en prie, ma petite Paige. C'est par là. Ok, mais j'ai pas compris. On va voir qui exactement ? Eh bah, mon patron, le big boss de la boîte. Tu vas voir, il est génial. Et il tient à rencontrer tous nos futurs artistes. Allez, assieds-toi. Il va arriver. Ah, d'accord. C'est joli, cette... cette chaise en fourrure ? Merci, j'adore la fourrure. J'en mets sur pratiquement tous mes meubles. Ah ! Paige, je te présente Discos, le PDG de Death Records. Leur patron, c'est un démon ? Oui, mais un gros truc entièrement permanenté qui porte un slip réfléchissant et des cornes immondes. J'ai eu très très peur quand même. Attends, c'est un démon qui dirige la maison de disques. Et après on s'étonne qu'il y ait que de la merde à la radio. Attends, attends, mais je comprends pas, il t'a fait quoi ? Comment t'as fait pour t'enfuir ? M'enfuir ? Mais t'es fou, il m'a proposé un contrat de 3 albums. Attends chérie, tu vas quand même pas signer avec un démon ? Oh là là, tout de suite les amalgames. Disco, c'est un démon, donc forcément, il est dangereux. Eh bien figure-toi mon petit Fifi, qu'il est très aimable et très charmant, et que j'ai rendez-vous avec lui demain pour signer mon contrat. Paige, je trouve ça très chouette ton ouverture d'esprit, hein, mais avoue qu'un démon à la tête d'une grande entreprise de divertissement, bah ça vaut peut-être le coup de creuser un peu, quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger. Ah, exact. Merci, Rupert. Donc c'est décidé. Demain, je t'accompagne à ton rendez-vous, et pendant ce temps, Ethan et Rupert, vous fouillez l'immeuble de Death Records pour vérifier qu'aucune activité maléfique ne s'y déroule. Monsieur Discos, Mademoiselle Dridry et son agent viennent d'arriver. Comment ça, son agent ? Richard, tu m'avais dit qu'elle n'avait aucun entourage. Bah, je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Bon, faites-les entrer. Ah, ma chère Paige, c'est un plaisir de te revoir. Richard, Monsieur Discos, c'est un plaisir partagé. Bonjour messieurs, je suis Philip Newman, l'agent de Paige. Nous avons énormément de choses à voir ensemble. Ravi de vous rencontrer. Et ça fait longtemps que vous occupez de Paige ? Oh, vous savez maintenant, n'importe quel artiste qui débute doit avoir un agent. Elles veulent toutes être la nouvelle Janis Joplin. Et sans un bon agent, impossible de sortir du lot. Tout le monde veut faire du rock. Ça tombe bien, car nous avons d'autres projets pour Paige. Ah bon ? Et c'est quoi ces projets ? N'as-tu jamais pensé que tu pourrais être une star du disco ? Merci, merci beaucoup. Mais on est un peu pressé, on a rendez-vous avec Mick. C'est quel étage déjà ? C'est au 2e étage, couloir de gauche. Merci, vous êtes formidable, formidable. On redescend tout à l'heure pour signer les autographes. Bouge pas toi. C'est qui ce Mick ? Bah j'en sais rien, dans une grosse boîte il y a toujours un Mick. C'est n'importe quoi ce plan Ethan. On va se faire choper et mettre dehors, c'est évident. C'est impossible, le sort va tenir toute la journée. On est leur sosie. T'as vu dans le hall ? Les gens pensent qu'on est vraiment eux. Je maintiens qu'un sort de changement d'apparence c'est une idée de merde. Surtout que t'aurais pu choisir d'autres artistes que ces mecs là. Je suis pas du tout à l'aise avec ces fringues. Tais-toi, on arrive au dernier étage. Si Disco ça a des trucs à planquer, c'est forcément par là. Hey, salut les gars, vous vous rappelez de moi ? Mick, on s'était vu au concert de Los Angeles. Ah oui, bien sûr. Comment ça va ? Super. Les gars, je vous présente mon collègue Glenn. Glenn, je te présente l'Indien et le motard de Village People. Ah, enchanté. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je croyais que vous étiez en tournée. Non, mais on l'a décalé pour une histoire de... Enfin, un truc compliqué. On vient voir justement... Steven. C'est Steven qu'on va voir, rappelle-toi. Ah oui, Steven. Son bureau est à droite au fond du couloir, juste après la pièce secrète de Discos. Vous savez, celle où faut pas aller. Vous êtes bien au courant de ça ? Oui, oui, évidemment. Salut les gars, à plus. Ouais, continuez comme ça, j'adore MCA. Là, c'était vraiment à deux doigts. Oh, le trouilleur. Allez, allons plutôt fouiller cette fameuse pièce secrète. Voilà, bah écoutez, on comprend très bien que le disco est très à la mode et beaucoup de monde se ravit pour cette proposition, mais on va devoir décliner. Oui, vraiment désolé monsieur Discos, mais c'est le rock qui m'anime. Jamais j'arriverai à chanter du disco et encore moins porter les fringues qui vont avec. C'est votre dernier mot? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Hé, hey, mais lâche-moi toi! Richard, qu'est-ce que vous faites? Il s'occupe de ton agent pendant que je m'occupe de toi. Mais lâchez-moi! Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Je te rassure, tout va être très rapide. Je vais juste aspirer ta voix pour en faire le prochain tube de Gloria Gaynor. Que tu le veuilles ou non, jeune Paige, tu feras du disco. Non! Hé, hey, face de gland, relâche-la immédiatement. Quoi? Richard, que font l'Indien et le motard des Village People ici? Ils étaient pas censés être en tournée? Je sais pas. Et on n'est pas venu seul. Non, pas lui. Pourquoi il n'est plus dans sa cage? Non, je meurs! Oh, regardez Discos, il est en train de fondre! Oh, merci les gars. Et c'est qui votre pote là? Salut, je m'appelle Bono. Les Village People viennent de me libérer. Discos m'avait volé ma guitare et enfermé dans une cage parce qu'il disait que ma voix n'était pas très vendeuse apparemment. Chaque mois, il m'aspirait ma musicalité pour en faire des tubes disco. Sans l'Indien et le motard, j'étais bon pour y passer le reste de ma vie. Mais vous vous rendez compte qu'en tuant Discos, vous avez aussi tué sa musique? Le disco est mort! Ouais, et on espère bien ne plus jamais le revoir. Rupert, tu portes très bien le pagne et les plumes sur la tête. Le disco est-il bien mort? Ne va-t-il pas faire un revival dans les années 80 puis dans les années 2000? Rupert doit-il continuer de porter le pagne et les plumes sur la tête pour émoustiller la gente féminine? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Ah bah voilà, alors c'était c'est ce que je vous avais dit, c'est le meilleur épisode. Vous saturez comme des gros cochons, c'est scandaleux. La scène de l'ascenseur, génial. Super. Moi c'est ma préférée. La scène de l'ascenseur, c'est ma préférée. Donc ouais voilà, très bon épisode de Ripper. Enfin voilà, de notre point de vue à nous hein, pas du tout objectivement, c'est objectif. Le meilleur. Vous inquiétez pas, il reste plus que 7 épisodes. On va maintenant passer à l'autre rubrique préférée. Il n'y a que des rubriques préférées de nos auditeurs, auditrices. C'est pour ça qu'il y a autant d'auditeurs en live qui nous écoutent. La rubrique « Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça ». Les vrais qui sont sur le Discord. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Alors, tiens, Riley, on va commencer par vous. Qu'est-ce que c'est est-ce que vous avez un site à Buffy? Tu vas aimer j'ai ça. J'ai ramené une bande dessinée. Ouh là là. Ah, il va la chercher. Il va la chercher. Il a une gravure. Parce que c'est important de la montrer. Montrez des bien. Des podcasts audio. Montrez bien au micro. Montre-la bien micro. Au micro. Magnifique couverture. Magnifique. Bien devant le micro. Ouais. Que ça fasse bien. Les gens le voient du coup. Ah oui. Oh, elle est magnifique. Seulement si tu le mets devant le micro. Voilà, c'est bien elle est brodée, il y a de l'or et tout, c'est magnifique. Ça s'appelle This Savage Shore. C'est un comics publié par iComics, écrit par Ram 5, je crois qu'on dit. Et Kumar, attendez, j'ai son nom, Sumit Kumar, qui est le dessinateur. C'est extrêmement bien dessiné. C'est en fait, ça raconte l'histoire à l'autre bout du monde, donc en Inde, entre des vampires issus de l'Europe. Qui vont affronter le folklore, finalement, un démon de cette région hindoue, et en plein milieu du 18e siècle. Et donc, ça parle surtout de. Ça dénonce surtout le colonialisme, ça nous présente des mythes et des légendes hindoues, et ça les confronte à des croyances occidentales chrétiennes. C'est hyper intéressant. Le héros, c'est un vampire. Et qui va donc, on va à travers son regard, on va découvrir tout ce monde. Il y a tout un côté aussi épistolaire avec des lettres qui sont écrites sur, je rappelle, le 18e siècle, hein, il n'y avait pas de Twitter. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas TikTok. excellente BD, je vous en dis pas plus. Pour tout vous avouer, je l'ai pas terminé encore, donc je vais pas aller plus loin que ça. Mais j'ai vu la fin, tu vas chialer. Hein. Ouais, bah, il me semble. En tout cas, je suis bien pris dedans. Le héros est assez génial. C'est pas Spike non plus, c'est pas Angel, c'est une autre version de vampire quand même. Beaucoup plus torturé, beaucoup plus. Plus torturé que Spike. Oui, oui, ben, en quelque sorte, parce que le fait qu'on ait toutes ces séquences de lettres, où il lit des lettres, où il envoie des lettres, où il reçoit des lettres, okay. Ça te, forcément, il y a tout un côté romanesque qu'il n'y a pas dans, fait, dans Buffy. Mais qu'est-ce que tu entends par il est pistolaire? Eh bien, il est plutôt piste ou stolaire. Il est un peu estropié de l'œil, quoi. C'est le même genre de chose. C'est une vanne de Big M. Évidemment. Fallait sans doute. Merci, Big M. This Savage Comics, c'est une histoire complète en une seule BD pour une fois. Hein, et ça, c'est à noter. C'est vrai. Donc, et là, pour le coup, là, hyper original. Là, tu m'as chopé. Conseille. Alors, moi, je vais vous parler. Mon Steam Buffy, ça va être un film de 2006 qui s'appelle Southland Tales. Oh non, ça y est. Épisode 51, il fallait qu'il le fasse. Eh ben oui, j'étais obligé de parler de ce film que j'adore. Donc, très peu de liens avec Buffy, hormis son actrice principale. Qui n'est autre que Sarah Michelle Gellar. Donc Southland Tales, c'est un film de Richard Kelly, hein, le réalisateur du culte Denis Darko. Denis Darko. Et c'est un film donc d'anticipation où un monde un peu en fin de vie à cause de diverses crises climatiques, économiques et sociales risque à tout moment de basculer dans le chaos. Sarah y incarne Krista Now, une ex-pornstar qui se lance dans une carrière multiplateforme à base de talk-show, de boissons énergisantes, de musique, de cinéma, de science-fiction. Enfin, elle a écrit même un film. Elle a écrit un scénario de film de fin du monde avec son nouveau mec qui est The Rock. Lui-même, il est marié avec la fille du président des États-Unis. D'accord. Et attention, c'est pas fini, c'est de pire en pire. Et lui, il est amnésique après une explosion qui aurait dû le réduire en tout petits morceaux. Bon, j'arrête là le pitch. Vous avez compris, c'est un peu compliqué. Non, mais surtout que là, j'ai dit à peine 10% du film, quoi. C'est, d'accord, ça a l'air bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce film. Il y en a même de trop. Ouais, c'est n'importe quoi. On dirait, ouais. C'est un peu n'importe quoi. Il y a des néo-marxistes, il y a un savant fou, il y a des jumeaux diaboliques. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est des choses que je vais vous laisser découvrir tout au long des 4 ou 5 visionnages que vous ferez de ce film. Parce que comme Denis Darko, et encore plus que Denis Darko, il faut voir ce film plusieurs fois si on veut avoir une chance de... Et il y a plusieurs montages aussi. Et voilà. Et là, je voulais en dire rien. Parce que ce film a une histoire assez fascinante. Ce film, donc 2006, Déjà, c'est l'année où t'as rencontré Sarah Michelle Gellar. T'allais en parler, pardon. J'allais évidemment pas en parler, mais si, mais c'était obligé d'en parler. On peut en parler, j'adore en parler. Ce film est sélectionné au Festival de Cannes. Et donc, Sarah vient présenter le film. Et moi, comme je travaillais à cette époque-là pour le festival, j'ai eu l'honneur d'avoir Sarah en face de moi. De loin. À combien de mètres? On était à 5 mètres. Ah, quand même! Ah ouais! Donc c'est là où elle t'a remarqué? Elle m'a vu! Sarah! Enfin, bref. Elle a entendu que ta voix, forcément. Elle m'a regardé. Donc elle vient dans le prochain podcast. Avec Léa. C'est ça. Non, mais voilà, donc oui, donc elle vient à Cannes, présentation à Cannes, sauf que la projection est un échec total. La critique démonte le film. Merde. Les gens se cassent, huent le film, enfin, ça va pas du tout. Et le studio refait un montage pour la sortie cinéma. Il y aura une sortie vraiment pas beaucoup de copies. Il y a 20 minutes qui sont enlevées au montage. Le film ne sortira même pas en France. Enfin, moi, je me rappelle, c'est un film que je voulais voir. Donc, j'avais dû télécharger des copies allemandes. Enfin, c'était scandaleux. Et là, il s'est passé un truc super dernièrement. C'est que... Parce que moi aussi, je vais montrer un truc au micro. Ah bah oui. Ah oui, le magnifique. Arrow Video, un éditeur de DVD de Blu-ray anglais, a sorti Southland Tales, enfin un combo de Blu-ray, deux Blu-ray et les deux versions du film. La version de 2h40, le montage canois, et la version de 2h20, le montage cinéma. Alors, est-ce que tu apparais dans le montage canois ou pas? Est-ce que j'apparais dans le montage canois? Est-ce que tu apparais dans le montage? J'apparais. Et non, bien sûr que non. Non, non, parce que le film était fini au moment de... Ah, mais oui, c'est cool. Hein, ah oui, non, c'est dommage. Il est court, c'est vrai. Et voilà. Donc là, vraiment, on s'éloigne de Buffy parce que... Voilà. Mais c'est si on s'intéresse à Sarah Michelle Gellar qui est formidable dans ce film, on peut revoir plusieurs fois ce film parce que voilà, le montage canois est personnellement mon préféré parce que il est tout aussi incompréhensible que l'autre montage, mais il est plus beau. Il est beaucoup plus beau, plus contemplatif. Ah ouais. Parce que il y a vraiment des grosses différences du coup entre les deux. Des grosses différences, non. Non, non, des non. Scènes en plus. Non, non, il y a des scènes en moins. Il y a des scènes en moins dans la version cinéma. Et surtout, il y a des obsessions de vouloir raccorder des événements entre eux. Sauf que d'expliquer pourquoi tel personnage va à tel endroit. Au milieu d'un pataquès incompréhensible, en limite on s'en fout. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas savoir pourquoi ce personnage est là, mais être au milieu d'un film d'une atmosphère cohérente et d'un film beau et envoûtant et tout ça. Et c'est pour ça que je préfère peut-être un film un peu moins compréhensible, mais beaucoup plus beau. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. C'est curieux parce que film. Richard Kay était plus justement sur Donnie Darko, le scénario hyper important. Hein. Ouais, mais là, cohérent et tout. Alors que là, non, c'est mais, pas du mais tout là, rapport. Je pense que c'est raté surtout parce que c'est raté, tu penses? Ouais. Bah, il a voulu mettre beaucoup trop de choses dans ce film. Il y avait personne lui a dit c'est trop. Et c'est cher, tu. Mais tu non, parce que Donnie Darko était un tel. Comme mon avis, il a fait ce qu'il voulait. Donc. Ouais, ouais, d'après ce que j'ai vu sur l'info, sur cette info, c'est que le gars s'est plus senti pisser quoi et que du coup il s'est lâché complètement et. Je trouve qu'il a fait il a fait The Box aussi, un troisième film. Ouais, avec Cameron Diaz qui est pas dingue non plus, ouais. mais qui est intéressant. Non, mais il fait. Mais depuis, il fait plus rien. Bah non, parce qu'il peut plus, il peut plus monter de film quoi. Il est tricard. Quoi. Je crois qu'ils vont des clopes à Belleville. Oh non. Bref, tout ça pour dire que ça reste une expérience assez magique, ce film que j'aime beaucoup. La BO est extraordinaire, comme j'ai dit, Saint-Michel Gellar est formidable. Clément, c'est à vous. Alors oui, mais Clément fait une oui, service. Non mais voilà, je suis là. Il fait beaucoup de choses en même temps. Mais donc tu fais bien. Est-ce que tu vas pouvoir nous raconter ton petit système de film? Tout à fait. J'en ai deux. Allez, alors, fais-toi plaisir. Le premier, bon, il y a des chances que j'arrive, comme d'habitude, un petit peu à la bourre, mais j'aurais voulu parler de Umbrella Academy, que j'avais bêtement rangé dans la catégorie des séries genre super-héros pour ados. Et ben, en fait, non. Enfin, oui, non. C'est-à-dire que, en fait, le thème est plutôt la famille. Donc, ça parle de la famille et de l'excellence et du poids de celle-ci. Quand tu es issu de ce genre de catégorie sociale, quoi, où tu excelles dans tout et que du coup tu dois assumer cette perfection. De plus, la direction artistique est plutôt magnifique. Je trouve les plans très très beaux. C'est très travaillé. Il y a un petit côté frère Cohen. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce qu'en fait pas du tout. Mais en tout cas, c'est une belle série. Ça dépend du montage. Ça dépend du montage. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, bon, bref, tant pis. Par bien des aspects, ça m'a fait penser c'est surtout ça, je pense, qui est intéressant, à The Hunting of Hill House, dont j'avais parlé déjà dans ce podcast. Et pour moi, Umbrella Academy, ce serait un peu The Hunting of Hill House à la sauce X-Men mis en scène par Tarantino. Voilà, je sais, ça a l'air un peu compliqué, mais en tout cas, c'est du bon. Umbrella Academy, c'est ça? Umbrella Academy, ouais. Je sais que, voilà, tu m'as dit que c'était un comics à la base, cher Riley. Moi, j'ai lu le comics, ouais, mais j'ai pas vu la série. Et peut-être qu'il vaut mieux pas lire le comics avant de voir la série. Je sais pas, du coup. Mais moi, je suis pas très fan du comics. D'accord. Mais peut-être c'est mieux en série, du coup. Bah, du coup, je sais pas. Alors mon deuxième, c'est une chaîne YouTube, une fois n'est pas coutume, je vous recommande un YouTuber, et il s'appelle Oral Notes, alors je sais pas si je le dis bien, Oral Notes. Ce YouTuber s'est spécialisé dans la parodie dans le détournement de Star Wars. Il a fait plein d'autres trucs, mais ses vidéos les plus célèbres, c'est celle-là, et j'aurais voulu vous en parler parce que j'imagine que vous connaissez Le Grand Détournement, La Classe Américaine, Michel Zavnessus, tout ça. Et bah, le gars a fait pareil avec Star Wars, c'est-à-dire que le montage, il n'y a pas de gag à proprement parler dans les vidéos, mais les détournements la synchronisation labiale est extrêmement bien faite, c'est-à-dire que chaque réplique sonne comme est dite avec un vrai gag. Et c'est surtout très bien écrit, il a réécrit tout Star Wars, et c'est très drôle. Moi, je passe des soirées à me pisser dessus devant Oral Notes, donc je voulais en parler. Est-ce qu'on laisserait pas nos amis tranquilles? Il serait temps, ouais. Parce qu'on les a beaucoup dérangés. Podcast de 4 heures, hein. On les a beaucoup dérangés ce soir à aller sur différentes chaînes, différentes vidéos YouTube, sur le Discord, sur le tout ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci d'être là, aux quelques courageux, les warriors. Ouais, merci. Qui nous ont réussi à nous suivre pendant cette soirée très compliquée. C'était une épreuve, hein, comme d'habitude, une aventure, hein, suivre ce podcast. Mais, en oui, mais cet épisode nous apprend que dans la douleur, on apprend des trucs. On apprend des choses. Mais aussi, merci aux auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup. Pas en direct, mais qui sont là jusqu'au bout. Aussi. Merci à vous. Normalement, vous allez avoir une version. Une belle version du podcast. Propre de ce podcast qui a été très compliqué à enregistrer. On vous fait à tous de très gros bisous, on vous dit à la prochaine. N'hésitez gros bisous. Pas à nous commenter, à vous dire ce que vous avez pensé, à nous dire si on a dit de la merde ou pas, parce qu'on n'est pas à l'abri. Voilà, n'hésitez pas, et on vous dit à très vite, donc pour un épisode de la saison 1, ça y est, on a fini. Allez, on reprend à la saison 1. Allez, avec, j'espère, un invité. Et, avec un énorme invité. Alors. Et on vous dit on vous fait un gros bisou. Des très très gros bisous. Un gros bisou. Ciao. Salut.